Nous sommes le 5-2 Verdé 1131. La pluie s'abat sur Venise. Ce sont de véritables cordes au poids lourd. Aussi lourd que l'ambiance du quartier des usines du sud. Là-bas, ce n'est pas le tonnerre qui gronde, c'est le peuple. La préfecture de Venise, ses deux branches, la droiture et la prévenance, viennent de déclarer en unisson une épidémie en début de soirée. Après un conseil débattu, le quartier est considéré comme dangereux. C'est la quarantaine qui est appliquée. Alors même où vous atteignez votre poste, Kornilov, Victor, le conseil est encore d'actualité. Et maintenant, question de savoir quelle force sera employée pour gérer cette crise. Et vous le savez, soit d'ici quelques heures, une armée de médecins débarque, soit une armée de métropolites et de crépusculaires débarque. Alors pour information, les crépusculaires, c'est la milice privée de la préfecture de Venise. La préfecture étant les derniers restes d'une organisation archaïque avant l'artistocratie, excusez-moi, qui règne sur Venise. En d'autres termes, c'est l'espoir, ou à l'inverse, un sombre destin. Vos ordres sont clairs. Vous ne laissez personne, absolument personne, sortir du quartier. L'usage de la force est même d'ailleurs conseillé. Le but étant de contenir, puis de calmer, la vague de panique. Vous avez en tête de nombreuses stratégies pour ce genre de situation que vous avez étudiées pour devenir métropolite. De nombreuses d'ailleurs, peut-être un peu trop. Elles se bousculent dans vos têtes et vous suivez juste les ordres qu'on vous hurle. Tout vous semble chaotique. La pluie, le grondement du quartier, le début de feu qui semble apparaître au milieu de celui-ci, l'absence d'Esther à vos côtés. Vous finissez par vous perdre de vue d'ailleurs, malgré vous. Kornilov, tu es poussé jusqu'à l'entrée d'une petite ruelle. Elle semble donner directement sur une bâtisse, en flamme. Elle surplombe toute la ruelle. Tu es accompagné d'un métropolite. Face à vous, une dizaine de personnes qui dédaignent même à vous regarder. Tous leurs regards vont vers cette bâtisse, de quelques étages, qui s'embrasse malgré la pluie. Tu sais que d'ici quelques heures, sans intervention, le métal utilisé pour la fondation ne tiendra plus et s'écoulera. Un homme, celui qui est le plus proche de vous deux, tourne la tête vers vous. Et juste de son profil te lance. Vous n'allez pas intervenir. Hein. Victor, toi, tu as été placé sur la place du quartier. C'est un centre important, donnant issue sur plusieurs routes de la ville, hein, et vous êtes une vingtaine de métropolites affectés en ce lieu. À devoir maintenir l'ordre et empêcher quiconque de sortir de là. C'est un confinement et au fond de toi, tu ne peux t'empêcher de te sentir aussi coincé qu'eux. Peut-être que cela est dû à ces métropolites gradés qui vous hurlent des ordres dans vos oreilles. Les citoyens face à toi sont nombreux, mais ne sont pas plus paniqués que cela pour l'instant. Ils s'organisent déjà. Des ouvriers s'improvisent médecins pour aider les blessés de la première heure de blocus. Esther, toi, tu contournes les rues bloquées pour essayer de te déplacer dans ce quartier. Par chance, tu as vécu pour assez bien connaître et ne pas te perdre. Tu as laissé de côté l'idée de passer outre les blocages, hein, bien entendu, par ton statut de métropolite. Étant donné que tes dernières tentatives a failli se terminer dans le sang. Bon, visiblement, les ordres ne laissent pas vraiment de privilèges aux métropolites coincés pour pouvoir sortir, et même pire, s'ils n'ont aucun scrupule, d'user au moins de te menacer, d'user de la violence envers l'un d'entre eux. Oula, excusez-moi, je me suis perdu dans ma phrase. Bref, en gros, la violence est de mise. Ce sont les ordres, t'a-t-on répété à tue-tête. Tu t'es déplacé donc pour pouvoir te retrouver au moins en lieu sûr. Tu t'es éloigné un peu de tout le grabuge. Pourquoi pas te retrouver dans un groupe organisé, ce qui te donnerait une chance de survie si jamais le confinement finit sur une décision funeste. Dans tous les cas, Kornilov, qu'est-ce que tu fais? Comment tu gères la situation? Les ordres pour l'instant, c'est juste d'empêcher qu'il y ait des. Ouais. Il y a l'air d'avoir des gens dans la bâtisse en feu. Tu vas pouvoir regarder. Et en observant bien, tu supposes que oui, il y avait encore de la vie et. D'ailleurs, au moment où tu regardes, une personne sort de la bâtisse en hurlant. C'est assez loin pour que tu puisses quand même entendre ce qu'elle dit, mais tu sais qu'il se passe de l'activité. Je vais faire de mon mieux pour garder la situation en place, enfin, au calme, autant qu'on peut. Ok. L'homme qui est à côté de toi, pour te décrire un peu, c'est un homme qui a l'air pas forcément plus gradé de toi. Tu vois, il a l'air quand même assez récent, un peu paniqué, et tu vois que il regarde comment tu te comportes pour essayer de prendre la même posture. Victor, de ton côté, t'es à l'extrémité de cette place. Tu vois les gens, comme je te le disais, vraiment s'organiser, vraiment se mettre en place, soigner les premiers blessés qu'il y a eu lors des premières confrontations avant même que tu arrives. Et je veux savoir un peu comment tu te comportes, comment tu gères la situation dans ce premier temps. Bah, là, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que je suis pas dans l'action moi, en fait. Je fais que faire ce qu'on me demande de faire, donc je suis plus en mode on me téléguidé, disant voilà, mettez-vous là, empêchez que ça bouge. Alors je me mets là et j'empêche que ça bouge, et en même temps, bah, je me rends compte d'un peu du chaos qui se passe autour, mais c'est tellement surréaliste pour moi comme événement, quelque chose que j'ai pas quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir, hein, honnêtement, que je suis en mode automatique, genre le gars il me dit je fais quoi. Du coup effectivement tu prends place. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'intervention. On ne fait que jauger, et les gens qui s'approchent sont immédiatement priés de s'éloigner. Pardon. Esther, de ton côté, du coup, pareil, dis-moi, comment tu as la situation, qu'est-ce que tu veux faire ? Pour l'instant, du coup, je suis malgré tout en quête d'une brèche. Tu sais, je pense que je vais essayer... déjà de mettre quand même un peu en marge de la foule, je sais pas sur quel genre de groupe agressif je pourrais tomber. D'ailleurs, est-ce que je suis habillé en métropolite ? Tu avais ta tenue, effectivement. Mais tu as pris un manteau... Oui, mais j'avais pris le manteau en effet de quelqu'un possible de me cacher un minimum. Malgré tout, c'est pas quelque chose qui fera la blague très très longtemps. Parce que j'imagine que l'uniforme va jusqu'au pied. Ouais. Donc oui, ça peut vite fait faire la blague de loin, et je me dis qu'une foule en colère par des métropolites qui les empêchent de passer pourrait vouloir chercher, on va dire, un martyr ou un petit émissaire. On pourrait même accuser d'être un espion envoyé dans la zone. Donc mon objectif, c'est de me casser de là. Je me dis que si je suis de l'autre côté, déjà, je suis safe. Du coup, je vais essayer de un petit peu de longer, on va dire, la frontière entre notre quartier et les quartiers voisins, essayer de trouver le moindre passage possible. Est-ce que c'est en passant par les sous-sols d'une usine ou autre, si je connais moi-même en tête quelque chose qui me permettrait de passer. Et si jamais ça se fait pas, je pense que je vais essayer de retourner au niveau de mon usine. Très bien. Pour voir comment vont les autres. Tu vas me faire un test d'Urba Technologie. Ok. 11. Oh. Ok. Très très bien. Tu... connais même très bien en fait le quartier, hein. Finalement c'est 2 ans je crois maintenant que tu y habites. Ouais. T'ont permis en fait vraiment de t'y habituer, visiblement tu es une personne qui est habituée à y marcher, à t'y balader, donc du coup tu connais les petites ruelles, tu sais par emprunter. Malheureusement ton désarroi va être de tomber souvent, même quasiment tout le temps, sur finalement que chaque petite ruelle qui semble avoir une ouverture finie sur un blocage quelconque par des métropolitains. C'est principalement des métropolites, en réalité, c'est plusieurs corps de défense de Venise qui sont... Parmi eux, j'aperçois pas de métropolites que je connaisse. Malheureusement, pas encore. Et est-ce qu'il y aurait, tu sais, même, c'est un truc à la con, une brèche dans un mur, quelque chose, n'importe. Ou même dans une petite ruelle, une gouttière que je pouvais avoir l'impression d'escalader pour passer sur un toit, essayer de juste de passer de l'autre côté. Parce qu'une fois que je suis de l'autre côté, j'ai juste enlevé le manteau et je peux me lier au métropolite, faire comme si rien n'était. Mais tout à fait. Pour l'instant, c'est ce genre de choses que je cherche, tu vois, ce genre de petit passage un petit peu exigu. Pour l'instant, ça n'a pas été fructueux, mais tu vas pouvoir, comme tu le souhaitais, te diriger plutôt du côté de ton usine, qui de plus tu connais bien jusqu'à ses fondements, pour peut-être essayer de trouver une autre type de brèche. Hein. Mais tu vois que la sécurité est plutôt accrue et même les plans de type gouttière te semblent un peu dangereux. Ok. Sachant que les gens sont armés et que, tu le sais, l'usage de la violence est plus que recommandé. Bien sûr. Donc, ça sera un risque peut-être un peu trop grand tout de suite à prendre et tu te dis, il y a peut-être plus safe. Dans ce cas-là, je retourne au niveau des usines. Ne serait-ce que pour voir comment vont les autres et... Parfait. Tu vas du coup aller au niveau des usines. Cornilov, tu es toujours là. L'autre homme prend un peu la même posture que toi. Pour l'instant, tu restes fixe, c'est ça ? Tu ignores les quelques personnes qui sont face à toi. Encore une fois, la ruelle n'est pas pour l'instant surpeuplée. Oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui essayent de passer. Parce que nous, on est là pour faire barrière, quoi. C'est ça, si j'ai bien compris. Et visiblement, les gens ont bien compris eux aussi votre rôle de barrière, puisque peu de personnes tentent. Bah, j'impose simplement ma présence par ma posture et tout ça. Et je... Tu tiens une arme actuellement en main ? Non, pas en main, mais j'imagine que j'ai la main pas loin de mon stylet au moins. Non, ça c'est la main. Ok, ok. Très bien. Donc, tu... Okay. Tu ne joues pas de l'arme pour t'imposer. Du coup, tu vois que le métropolite qui est à côté de toi fait la même chose. Tu vois, il a la main prêt à dégainer, mais vraiment pour l'instant, tu vois qu'il te copie vraiment. À la limite, à la posture près. Hein. Si tu te mets à tousser, tu te demandes s'il va pas se mettre lui aussi à tousser. Tactique cornue. Victor, tu es du coup à la même position. À côté de toi, il y a toujours ce métropolite qui est toujours en train d'hurler des ordres à tout le monde. Tu vois qu'à un moment, il te tapote l'épaule et fait « Bon, toi, va voir au centre et dis-leur de se disperser. » Ok. Donc j'avance. Allez, reculez-vous. Dégagez. Vous pouvez pas rester tu ici. Tu vois partez. Que... à ton approche, les réactions deviennent un peu plus vives. Là où ils vous ignoraient, tout en vous gardant au coin de l'œil... Tout à coup, ça devient un peu plus confrontant, pardon, excusez-moi. La situation s'est tendue, quoi. C'est tendu un petit peu. Du coup, oui, ça devient un peu plus confrontant. Les gens commencent à lancer quelques insultes à ton approche. Tu leur demandes de reculer. Certains s'amusent à essayer de jouer de leur posture. Non, moi, je bougerai pas. À vrai dire, les premiers à bouger sont vraiment les personnes qui s'occupent de blessés, qui sont tout simplement en train de les transporter un peu en les éloignant de toi, en fait. Ouais. Est-ce que tu leur dis quelque chose de particulier à ces gens-là, enfin, aux gens qui résistent, hein, pas forcément aux médecins. Tu peux aussi engueuler les médecins, si tu veux. Non, mais du coup, moi, je leur dis, vous pouvez pas rester là, c'est pour votre sécurité. Il faut pas vous... S'il y a du mouvement de foule, vous allez vous finir par vous tous vous blesser les uns les autres. On est là pour vous protéger. Seulement, ça passe par le fait que vous reculiez. Il faut reculer pour votre propre sécurité. Vous allez nous tuer de toute façon. Tu vois que à ces mots-là, ils bougent pas. Mais on va pas vous tuer. Quel est l'intérêt quand on vous tue ? Voyons. Tu vois, il répond pas. Tu vois qu'il est juste dans sa stature, droit comme un... Est-ce que j'ai un sifflet ? Tu n'as pas de sifflet sur toi. Bon bah, je me retourne et je vois mes collègues, mais... Chargé ! Je suis tout seul, je vais pas faire... Charlie, lance-moi 2d6 pour moi, s'il te plaît, pour voir qui t'attire. 9. On veut pas vous tuer, il y aurait pas de raison. Chargez. Tirez à plus. Les femmes et les enfants. Ok. Tu vois que ton sifflet attire, peut-être malheureusement pour toi, la personne qui vient de te donner des ordres, donc le métropolite gradé. Tu vois qu'il arrive plutôt bien chargé, en fait, avec lui, 2-3 hommes sur le côté. Il arrive vers toi. C'est quoi le problème ? Il ne veut pas bouger. J'essaie de leur expliquer qu'il ne faut pas qu'il reste ici. Il refuse d'obtempérer. Et ben dans ce cas-là, tu lui expliques autrement, et tu vois qu'il sort sa matraque et fout un énorme coup dans le visage de l'homme, qui s'effondre immédiatement. Esther, tu es du coup en train de contourner pour revenir vers tout simplement ton usine. Et du coup, tu peux pas retrouver Jacob et les autres. Ouais. Tu marches. D'ailleurs, est-ce que tu essaies plutôt d'éviter, comme tu le disais, les gens dans ton trajet ou quitte à faire des tours Les petites ruelles plutôt, oui, en effet. Ouais. Okay. D'ailleurs, est-ce que je suis armé? Oui, j'ai mon équipement habituel. Oui, tu es armé, t'as ton équipement, tu peux te déplacer. Dans ce cas-là, je pense que sous l'épée manteau que j'ai pris, je vais récupérer l'un des pistolets. Enfin, je vais armer l'un des pistolets, bon, courir, ça se voit pas trop. Mais je me dis que c'est le genre de mouvement de panique qui pourrait... on sait jamais, voilà, on sait jamais. Tout à fait. Instant de survie. Tout ça pour dire que, oui, d'ailleurs, pour ton pistolet, je te rappelle juste que tu as qu'une seule balle. Ouais. Malheureusement, tu n'as pas été équipé plus supplémentairement, et vu que, on est à la poudre, hein, ou mousquet, au moins, donc de toute façon, une arme, ça s'arme. Non, je pense que ça suffit dans tous les cas, devant déjà... Oui, c'est surtout de la défense. C'est une arme à feu. Tout à fait, mais c'est pour rappeler au cas où qu'il y a... Pour éviter une erreur d'interprétation et qu'à un moment on me dise « Ah mais non, je vais tirer comme un 9 mm. » Je préfère remettre ça. Il y a eu très peu d'action pour le moment dans les crimes. Ok, très bien. Du coup, tu avances dans les petites ruelles, tu te faufiles. À chaque fois que tu entends un peu gronder des gens au loin de la rue, tu bifurques pour prendre une petite ruelle, quitte à rallonger un peu ta marche, mais tu te dis que de toute façon, tu n'es plus à quelques minutes près coincé là-dedans. Tu continues quand même à vérifier si là des brèches peut-être qui seraient laissées. Après tout, il y a peut-être une chance que ce soit le cas. Après tout, tu gardes quand même en tête que vous avez pas mal étudié les gestions de situations de crise, notamment lorsqu'il y a des épidémies qui se lancent, et vous savez que chaque quartier a vraiment un plan normalement déterminé, et que autant la cartographie de la ville, enfin dans le monde de toute façon, c'est très compliqué, autant... Quand il s'agit de prévoir vraiment les issues, sans qu'une carte a vraiment été dessinée, où il y a vraiment beaucoup de décisions qui sont prises à l'avance, et c'est pour ça qu'il demande autant d'hommes, y compris peut-être votre cellule. Bref, ceci était une petite parenthèse, hein. Tout ça pour dire que, pour l'instant là, tu te faufiles. D'ailleurs, du coup, moi, on est d'accord, oui. J'ai aucune idée de pourquoi est-ce que la zone est mise en quarantaine. Non, toi, tu n'en as pas été informé. Excuse-moi. Je repasse rapidement à Kornilov, oui. Si je bug même sur les prénoms, ça va être magnifique. Kornilov, du coup, comme tu le dis, tu gardes la posture, etc. Et il y a quelqu'un qui approche vers toi. C'est une jeune femme aux cheveux bruns. Qui s'approche vers toi et fais-moi, s'il te plaît, un petit test. Lance déjà les dés le temps que je retrouve la... Allez, on va dire Faconde pour t'avantager. Ça fait 16. Ah, ce n'est pas très incroyable. Très bien. Ouais. Il y a cette personne qui approche vers toi d'un pas assez assuré, qui d'ailleurs est la seule personne qui va dans ce sens-là. Et son visage, quand elle s'approche, te dit quelque chose. Hein. Tu l'as peut-être déjà vu, mais tu sais plus où. Ah, c'est peut-être, il y a plusieurs teintes de ça. En tout cas, elle s'approche de toi. Laissez-moi passer. Reculez, madame. Je peux pas vous laisser passer, vous le savez très bien. Eh bien, je pense que si, vous pouvez me laisser passer. Non, ce sont les ordres. Maintenant, reculez. Écoutez, je pense que nous ne sommes pas très bien compris. Comment vous dire ? Je fais partie d'une certaine maison qui a un certain prestige et je vous prierai, afin de ne pas la fâcher, me laisser passer dans les plus brefs délais. J'ai pas de problème à faire des ennemis, madame, vous allez reculer maintenant. Et je mets simplement la main juste sur la manche de mon... Ouais, fais-moi s'il te plaît un petit test. Franchement, tu mets quoi Allez, Arguti, même si c'est pas vraiment de l'Arguti, mais j'aime bien l'idée. 9. ce n'est pas très sympa. Bah tiens, mon cher ami Gossel, lance-moi 2d6, s'il te plaît. J'ai pas pris mes dés, donc vous lancerez pour moi. 11. Ok, merci. Rien. Tu vois que tu mets la main... tu mets la main à ton sabre. Elle a quand même un mouvement de recul, tu vois. Elle a un pas en arrière en mode « Ah merde, ça va peut-être être plus compliqué que prévu. » Elle commence à hausser le ton. « Bon, écoutez, je suis de la maison Patalotina. Je suis la fille principale et je vous prierai de me laisser partir avant que vous ayez bien des soucis. » C'est important, ça, comme... Genre, ça me dit quelque chose. Bah, je vais te poser une question, ça va être le roleplay qui va me répondre. Est-ce que Kornilov fréquente souvent tout ce qui est maison de jeu, ce genre de choses? Ou est-ce non. que c'est pas dans ses... Non. Ok, c'est donc dans ce cas, tu ne connais pas du tout ce nom. Jamais entendu parler. Tu vois qu'à ces mots, elle vient au chef. Pardon, comment osez-vous? Croyez-moi, vous allez entendre parler de moi bien. Et tu vois qu'elle commence à s'énerver. Elle refait un pas vers toi. Tu vois qu'elle s'énerve et te fout une énorme tarte. Et bien avant de réagir, Victor. Excusez-moi. Victor. Donc, il y a le corps qui vient de s'effondrer au sol. Tu vois que la personne pousse un hurlement de douleur. Il y a clairement une bonne partie du crâne qui vient de... d'être un peu fendu parce que ça saigne abondamment, mais la personne n'est pas morte. Tu vois que il te hurle, enfin l'homme, hein, ton chef, supérieur, ouais. Voilà, merci. Ton supérieur, tu hurles. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, si t'as un autre problème, tu gères. Et tu vois que c'est bon, il fait demi-tour et il bah, reprend. Du coup, j'ai dit, bon allez, on recule maintenant. Bah oui! Allez! Tu vois quand même que y a la plupart des gens, quand même, consentent à reculer. Bon, j'ai quand même ma matraque dans la main, mais je suis pas très convaincant quand je la tiens. Genre, je suis là. Allez! Ok. En ce moment, je voulais un truc. Bon, bref. Dans tous les cas, tu leur sommes de reculer encore et encore. Et ça collabore à peu près. Il y a vraiment toujours des gens qui s'amusent à jauger un peu ton autorité. Surtout, bon, un peu moins depuis que l'un d'entre eux vient d'être blessé. D'ailleurs, cette personne a été immédiatement récupérée et ça a été ramené du côté des blessés. Tu vois que les insultes commencent à fuser de plus en plus. Et au bout de quelques minutes, ton général, ton supérieur, te rappelle. J'y retourne. Oui. Esther, tu continues de te... Esther, tu continues de te faufiler. Et tu arrives plus très très loin de ton usine. D'ailleurs, ce que tu as pu remarquer en te faufilant, c'est que tu as dû repasser du coup vers plus le centre, et donc plus ou moins ta maison. Et le quartier... Ta maison, excuse-moi. Le quartier proche dans lequel... se trouve ta maison, donc tout ce qui est aux alentours est pour maintenant totalement bouclé, non pas par des métropolites, mais parce qu'ils semblent être des médecins. Ok, d'accord. Qui, en mode des médecins qui seraient venus à l'intérieur du quartier pour soigner les gens. Ça serait l'idée. Plus est-ce peut-être. Est-ce que tu peux demander le protocole un petit peu de ces cas-là? C'est un cas de figure que j'ai déjà eu. Tout à fait. Normalement, en fait, vraiment, le premier ordre, ça va être de maintenir le quartier en pure quarantaine, qu'importe finalement l'état des gens à l'intérieur. Parce que, en fait, s'il y a épidémie, il faut que ça ne dépasse pas le quartier déjà atteint. C'est vraiment toujours la priorité et que le reste de la ville puisse tourner. Est-ce donc, qu'il y a un vrai risque, par exemple, qu'il y ait un genre de bombardement ou qui tue tout le monde? Alors, ça, non. C'est une excellente question parce que. C'est devenu. Ça veut pas forcément dire qu'on va tous mourir et qu'il faut tous mourir. Non, non, effectivement. Et par contre, ce qui est de bombardement, tout ça, c'est impossible parce que bah, tout ce genre d'armes. Dans l'autre sens, ce serait un peu sévère. Non, mais c'est bien. Mais tous ces genres d'armes sont devenus illégales depuis la guerre d'Acrimonie. Tout simplement parce que, encore une fois, le matériel est beaucoup trop précieux, et c'est d'ailleurs ce qui a terrifié les gens dans la guerre, plus que les pertes humaines, c'était vraiment les pertes matérielles. Par contre, il y a possibilité, effectivement, que le quartier soit soumis à un petit génocide. Si la menace est considérée... ouais, si la menace est considérée comme trop grave... Hein, bah dans ce cas-là, je vais que ça... voir un des médecins. Ok. Je fais, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe ? Je me suis réveillé, il y a tous ces trucs là autour, le quartier bouclé. Ah oui, je... Médecin, c'est grave ? Je lui pose un milliard de questions. Là. Calmez-vous. De ce que je sais, mon collègue était déjà là. J'ai réussi à me faufiler dans le quartier pour prêter main forte. Dans cette zone, il y a eu un cas de peste. Donc on est obligé de maintenir. Pour l'instant, le quartier semble pas être atteint. Donc si on arrive à plusieurs, mais tous localisés dans la région qu'on est en train de fermer. Si on fait en sorte que personne à contact, ça suffira sûrement à laisser le quartier assez simple pour qu'il n'y ait pas de soucis. À passer outre les métropolites qui gardaient l'entrée. Ah oui, j'ai une accréditation pour ça. Par contre, je peux pas ressortir. J'allais dire, ils sont nombreux les docteurs. Je peux tuer combien de médecins qui ne savent pas. Ils sont nombreux, parce qu'ils bah, font une espèce de chaîne humaine. T'as tué les médecins. Effectivement. N'approchez pas de ce quartier, même si vous avez été ici, si vous avez des connaissances. En effet, du coup, il parle de mon quartier. Ouais, c'est vraiment en fait assez proche. Ta maison semble pas être le point central, mais ça a été pris dans le. En même temps, moi, dans la fermeture. Chez moi, hein. Je pense que je vais faire ça. Hein. Du coup, vu que c'est juste à côté de mon usine, je pense que je vais. Vu qu'on est d'accord, elle est juste à côté de l'usine. La maison est pas juste à côté, il y a quand même de la marche, j'étais en chemin. Hein ? La maison est pas juste à côté de l'usine, elle est un peu plus loin. Mais c'est pas si loin. Dans tous les cas, je me dirigeais dans la direction et de ma maison et de l'usine à peu près, tu vois. Ta maison, elle est clôturée par les médecins. Ah, je peux vraiment pas passer, d'accord. Bah, ils te déconseillent clairement, enfin. Mais du coup, je fais quoi ? Je reste dans la rue ? Faites comme tout le monde, attendez que ça passe, on est désolé. Allez vous abriter dans une usine, quelque chose du genre. Mais il n'aura pas combien de temps, à votre avis ? Quelques heures, le temps que le conseil mette fin à ça. Quelques heures, vous êtes sûr ? On est sûr de rien. Ouais, je vais jeter quelques coups d'œil pour voir si je pourrais pas m'infiltrer par une zone ou un endroit quelque part, quelque chose. J'avoue que je suis plutôt dans l'idée d'aller. Enfin voilà, c'est normal, d'aller me barricader chez moi et de me mettre tranquille et personne ne va bien m'entendre. Plutôt que de me mettre autour des groupes de survie. Tu vas commencer à t'éloigner, tu dis au médecin oui, pas de soucis, je vais aller me cacher et tu vas commencer à te prendre. Ok. Kornilov, tu viens de recevoir cette incroyable baffe. Hein. Comment réagis-tu ? Eh bien, je vais la pousser tout simplement d'une main, une épaule, mes jambes de manière quand même bien violente. Quoi. Je la fais. S'il faut que je la fasse tomber par terre, tombe par terre. Quoi. Très bien. Fais-moi un petit test tout de même. Tu m'as compris, pugila. Ouais. 8. Ouf, c'est léger, mais ça va. Tous mes jets sont nuls depuis le début. Oui. Effectivement. Très bien, du coup... Pardon. Du coup, tu la repousses. Effectivement, elle perd un peu équilibre. Mais un des hommes, d'ailleurs, celui-là, qui t'avait adressé la parole en te disant « Mais vous n'allez donc rien faire », la rattrape et ne te fait pas spécialement d'injonction. Tu vois qu'il la rattrape et qu'il l'éloigne... plus pour sa sécurité, visiblement, que pour la tienne. Et de ton côté, tu as la joue rouge, mais la situation ne s'est pas plus enveminée que ça. Comment agis-tu pour la suite ? Eh bien, pour la suite, je vais me remettre ma posture de carte de DIE, quoi. Okay. Faire grand chose. Je suis les ordres, mes ordres c'est de rester là, de faire barrière. Donc, tu restes là, tu fais barrière. Victor, tu es de retour auprès de ton chef. Tu vois qu'il y a un petit conseil qui est en train de se préparer. D'accord. Bon, bah, vous, continuez à maintenir la sortie de ce niveau-là. D'accord. Très bien. Tu vois qu'il continue à parler, à donner des ordres à chacun. C'est vraiment... Il n'y a que sa voix qui résonne quasiment dans toute la rue. Et tu vois qu'il est en train de vous, plus ou moins vous disperser dans une formation qui a l'air moins de protéger les rues, mais plus vous créer une cohésion de groupe au cas de confrontation. Tu vois qu'il est déjà en train de mettre en formation plus ou moins optimale si jamais il devrait avoir confrontation. Pour l'instant, de ton côté, rien de spécial vraiment se passe. Tu es juste. Bousculé, scié là, on te dit de te mettre là, puis après on hurle des ordres d'aller de l'autre côté, mais tu gardes toujours cette piste et tu vois toujours les gens face à toi qui commencent à se rassembler, qui commencent quand même à montrer une certaine colère. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de monter, hein. Il semblerait que le coup qui a été asséné a été plutôt violent et plutôt mal reçu, hein, du côté des gens qui ne sont finalement que des gens qui essayent de comprendre ce qui se passe. Et rapidement, il y a une brique qui se met à voler sur vous. De votre côté, vous êtes plutôt bien protégé, hein. C'est à ça que sert actuellement votre chef de bien vous mettre, hein. Mais commence à avoir certaines personnes qui commencent à aller choper des briques et à vous les balancer. Pour l'instant, ils sont que deux ou trois. C'est vraiment une brique toutes les cinq minutes, c'est quand même assez espacé. Mais tu sens qu'il y a une tension qui rend de monter. Ouais, je suis pas tranquille. Tu es en train du coup chercher une brèche parmi les médecins qui ont plus ou moins entouré. Alors pour t'expliquer vraiment, c'est pas genre il y a un mur de médecins, c'est juste ils se sont dispersés pour que chacun ait assez de vue pour intervenir s'ils voient quelqu'un passer avec leur capacité. Donc effectivement, tu sais qu'il y a moyen que il y a forcément quelque part une ruelle qui a échappé à leur vue. Ça paraît pas évident, mais je me sens plus en sécurité en effet chez moi, plus près de la zone de contamination que en dehors. Question, j'ai de la bouffe pour combien de temps? Chez toi, tu as généralement comme tout le monde quelques quantités de mousse, quelques quantités de champignons. Oui, une semaine si t'as fait tes prévisions assez récemment. Oui, puis dans le sens où si je dois survivre, je vais pas me faire un repas copieux à oui. Chaque repas, tu vois, genre. Effectivement. Je peux rationner un peu. Parfait. Et tu es en train de chercher, donc tu passes par des petites ruelles pour essayer. C'est ça, j'essaie de donner des trucs. C'est pareil, même si au moins il faut que j'escalade une gouttière pour passer sur un toit, je me dis que ce serait peut-être plus pratique pour atteindre cet endroit. Si jamais j'ai le malheur de croiser un médecin seul. C'est dangereux de l'assommer, mais. Bon, je sais pas, dis-moi si jamais j'en croise un, je vais rentrer dans cette situation. Tu vas effectivement croiser quelqu'un, mais ce n'est pas tout à fait un médecin. Alors que tu rentres de t'immiscer dans une toute petite ruelle qui fait à peine la taille de deux hommes, tu vois que en rasant un des murs, l'un d'entre eux a une fissure à l'intérieur. Et alors que t'es en train de passer sans forcément y faire plus gaffe que ça, c'est-à-dire que tu vois, ça te titre après que tu sois passé, tu vois, genre tu passes et puis tu continues ton chemin et quelques mètres plus loin, tu es sûr d'avoir vu quelqu'un, mais qui a de ça d'assez intriguant, parce que bon, finalement, des gens, ce n'est pas la chose la plus intrigante du monde, que tu es pratiquement sûr que chaque partie de son corps était sous un uniforme et surtout sous un masque fait d'acier. Derrière moi, du coup. Qui, du coup, ouais, si tu préfères, là, t'es en train de longer un mur. Toi, tu te trouves ici, la fissure se trouve là, et tu sais que tu l'as vue. Comme si, en fait, elle s'était arrêtée dans son mouvement pour te laisser passer sans se remarquer. Et tu vois, ça te capte qu'après avoir marché quelques mètres de plus, tu vois. Et oui, ça m'a juste marché. Bah, pour le coup, ça s'est vraiment arrêté à ta venue. Ok. Dans la pénombre de la fissure, je m'arrête, je retiens mon souffle, et j'essaie juste de voir si tu vois la chose marcher à nouveau. Donc oui, c'est mal laissé passer. Tu reviens vers la fissure. Je l'ai pas dépassé, mais si, tu l'as dépassé, pour pas qu'on se croise. Ah si, je suis vraiment passé à côté. Bah en fait, plus qu'à côté, c'est comme si t'as pas tilté immédiatement, parce que bah t'as rendiré plein de trucs dans ton cerveau, etc. Bah, il y avait vraiment la fissure, t'es passé en fait au niveau de la fissure, sans vraiment capter au tout début, et en fait t'as fait un ou deux pas de plus, hein, donc t'es juste à côté de la fissure. Okay, bah, vraiment. Pour regarder un petit coup en arrière. Et ok. Bonjour dans la fissure. Tu reviens du coin en arrière, essayer de comprendre un peu ce que tu as vu. Et tu peux me lancer 4d6 ou athlétisme, s'il te plaît. 4d6 sur athlétisme. Ouais, pour faire une confrontation. Donc avec, on va dire action et... Enfin oui, on va dire action et défense, même si c'est pas les vrais termes. Je vais mettre du coup 8 en attaque et 6 en défense. Encore une fois, okay. C'est pas les vrais termes. Oui, oui, mais je suis malade, on a le droit. Très bien. Alors attends, tu m'as dit combien et combien ? Parce que là par contre, faut que je le note pour faire le. 8 et 6. Ok. Parce que j'ai fait 5, 3, 5. Et j'ai essayé de les répartir. Plus en attaque en défense. Mm-hmm, c'est logique. Ok. Ouf. Donc, tu passes et au moment où tu vois, tu vas rejeter un petit coup d'œil, tu vois, tu reviens un peu en arrière, tu un peu intrigué. Et au moment où tu arrives au niveau vraiment de la fissure, il te fonce dessus, te renverse dans une énorme charge. Pour le coup, tu vois que c'était volontaire. Hein. Oh oui. C'était clairement voulu, ce qui te fait bah, du coup tomber au sol. Pour le coup, désolé, tu n'as pas réussi ton opposition. Donc tu tombes au sol et tu vois commencer vraiment à courir et à déballer. Attends, du coup au niveau de la fissure ? Non, du coup il sort de la fissure pour aller dans la rue et courir. Je l'insulte. Tu l'insultes. Je sors, je brandis mon arme à feu dans cette direction, mais bon, il a une armure en métal et j'imagine qu'il commence à être un peu loin. Pas tant que ça pour l'instant, je dirais juste en ouais, quoi, pas enfin, d'ailleurs, il a noté. Je me souviens de le noter. Parce que j'ai bien tout sur moi, il m'a rien volé, mais c'est bizarre. Ouais. Non, ça t'a juste. Qu'en vue de. Encore une fois, hein, de mes. Excuse-moi, je cherche mes mots parce que. Ok. En vue des besoins matériaux, etc., tu sais qu'il est très rare, voire quasiment normalement anormal. De croiser une personne qui utilise des matériaux pour se faire des masques. Ou sale bourgeois. J'espère que tu vas choper la peste, enfoiré. J'en parle de l'autre côté. Okay. Victor. En me demandant bien qu'est-ce qu'il pouvait foutre là et pourquoi est-ce qu'il agit aussi bizarrement. Ouais. D'accord, du coup tu tireras pas du côté de la fissure. Du coup si. Ah oui, non, d'accord. Bon, bref. Du coup, le droit pour aller là où je peux aller. Attends, on verra. Dory. Victor. On peut faire ça comme ça. Victor, du coup, comme je te le disais il y a un instant, la tension continue de monter. Les minutes continuent de. La tension est en train de monter de ton côté. Tu vois vraiment que ça commence à faire quand même pas mal barder les choses. Hein. Et que les 2-3 personnes commencent à devenir 6-7 personnes et que les projectiles commencent à devenir de plus en plus fréquents et dangereux. Ça commence à pouvoir envoyer tout ce qu'ils peuvent. Généralement, c'est même des morceaux de mur, ce genre de choses, parce que bah. Bon, ce qui est public, hein, une construction en métal, donc ils vont avoir du mal à l'arracher, mais pour ce qui est du reste, bah voilà, je veux dire, un mur, ça s'effrite, c'est de la pierre, hein, les murs. Hein. Donc ça s'effrite, ça se chope et c'est de la brique, c'est de la pierre et donc ça vous le lance assez aisément. Je veux savoir juste du coup comment tu réagis déjà à ces agressions physiques. Bah je me protège. De toute façon, je reçois ça dans la tronche. Donc je vais mécaniquement me protéger pour essayer de ne pas me recevoir ça dans la tronche. Et après, bah, je regarde quand même mes collègues qui sont autour de moi et voir ce qu'ils font. Et si bah, je vois qu'ils vont, ils commencent à se diriger vers eux, bah, je les suivrai pour... voilà. Ah oui, bon, voilà. Je tiens à dire que pour l'instant, non, ils ne semblent pas se diriger, mais les ordres sont en train de former de plus en plus une unité cohérente. Hein, où tu sens que... pour l'instant, vous êtes encore en mode défensif, mais tu sais qu'il suffirait d'assez peu de temps pour inverser la tendance. Bon, après, je suis assez, assez attentif aux ordres de notre chef. Oui. Dans le sens où, pour l'instant, il nous a placés en mur, enfin voilà. Mais moi, je prends le dire que s'il nous dit de charger, ben, on va charger. Mais pour l'instant, j'attends. J'essaie de retarder le plus longtemps possible le fait d'aller au combat sur des gens qui sont armés que de cailloux, quoi. Très bien. Tu, du coup, maintiens absolument... bon, bah, prends ça en position. Tu maintiens les ordres qu'on te donne. Et tu remarques que l'homme qui est à côté de toi, un jeune métropolite, commence à vraiment mais, bah, perdre tous ses moyens. Tu vois, genre, il commence à être à la limite de pleurer. Hein, tu vois que ça se retient comme il peut. Il est très, très jeune. Hein, pour le coup, il est dans la vingtaine d'années... Bah du coup je vais m'approcher de lui et j'essaye de le soutenir et de lui parler en disant allez ressaisis-toi, il faut que tu te ressaisisses, on n'a pas le droit de monter de signe de faiblesse, puis si jamais vraiment ça allait pas, bah, retourne en arrière, ça sert à rien, tu vas te faire dépouiller. Tu vas me faire s'il te plaît un test de Faconde. Un test de Faconde. Faconde. Ouais, c'est ouais. Social. Hop. Alors, Faconde. Tac. Ouh. 7. Très bien. Tu vois que visiblement ce n'est pas trop ton fort de réconforter des gens. Ça n'a pas l'air de vraiment fonctionner quoi. Hein. Il te regarde, les lèvres tremblantes, les yeux vraiment très humidifiés. Et tu hausse les épaules à ton discours et reprend sa posture d'avant pour tenter de ne montrer aucun signe de faiblesse, mais tu vois qu'il a pas l'air un seul instant plus rassuré qu'un. Écoute, moi aussi, de toute façon, je suis pas à l'aise. Étant donné que je suis quand même de nature assez proche des gens qui sont bah, dans le bas de la ville, je suis pas à l'aise à me retrouver là, à quelque part les affronter. Donc, j'ai le cul entre deux chaises. Kornilov, alors que tu as repris posture, que l'homme à côté de toi ne s'impose pas particulièrement plus que toi, une personne arrive à toi en courant. Il faut l'aider, il est coincé dans la bâtisse, vous êtes les seuls métropolites qu'on a croisés. Aidez-nous. Qu'est-ce que vous racontez? La maison et tu vois qu'il te pointe du doigt l'énorme bâtisse de flammes qui surplombe le quartier. Il est coincé dedans, vous. Il est encore en vie, vous devez l'aider, vous pouvez pas le laisser mourir. Écoutez, je sais pas, organisez-vous entre citoyens, je peux pas faire ça maintenant, je dois bloquer la ruelle. Vous êtes censé nous aider, vous êtes... représentant de... S'il vous plaît. Oh. Bon, du coup, je tourne le regard vers le cible qui est à côté de moi, qui fait barrière aussi. Ouais. Je fais... débrouille-toi tout seul un instant. Et je vais aller vers la bâtisse. Tu vois que dans son regard, il y a un semblant d'assurance qui montre une grosse panique qui vient de monter en lui. Oui, d'accord. Et il se maintient un peu. Tu ne sais pas trop s'il veut changer de position, s'il veut la garder. Je fais reste droit. Tu vois qu'il se met droit. Et toi, tu... Bah, dis-moi, tu avances, c'est ça? Ouais, j'avance en courant même, je dirais. Ok. Tu t'enfonces du coup hein, dans tout ça, tu t'enfonces. Excuse-moi, dans la ruelle pour atteindre la bâtisse enflammée. Sachant que, comme je te le disais tout à l'heure, pour l'instant, elle semble tenir, les flammes sont assez vives, hein, parce que entre l'intérieur, les murs de pierre, etc., il y a de quoi faire continuer le feu. Pour le dire de manière pas très jolie, mais ce qui sera le plus dangereux, hein, ça sera bien entendu d'ici quelques heures, enfin tu ne sais pas trop depuis quand en fait ce feu a commencé, mais quand le métal sera enfin atteint et qu'il va commencer à fondre et s'effondrer, ouais. Tu sais que là pour le coup ça sera plus juste, tu sais ça sera pas juste voilà, quelques personnes coincées dans un bâtiment, mais bien une bonne partie du mini quartier où tu te trouves qui risque d'être ensevelie sous la bâtisse. Dans tous les cas, le temps que tu penses à tout ça pendant ta course, tu arrives devant l'énorme bâtiment qui est en flammes et fait une bonne dizaine d'étages hein, de haut. C'est plusieurs bâtiments qui étaient vraiment assemblés hein, pour donner une grosse bâtisse, comme c'est communément le cas pour gagner de la place. Et la personne qui t'a quand même accompagné pour quand même te dire qui est coincé, etc. Le au troisième étage, c'est mon mari, s'il vous plaît. Troisième, vous pouviez pas vivre au rez-de-chaussée. Mais personne vit au rez-de-chaussée, monsieur. Du coup, je peux rentrer à l'intérieur comme ça ou il faut. Alors, tu peux rentrer à l'intérieur, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ce sont des portes, tu peux les emprunter. Après, la question, oui, est-ce que c'est viable des flammes, mais... Ouais. Fais-moi un petit test de traumatologie pour voir un peu comment tu jauges les flammes. Si tu fais un échec critique, ça peut être très très drôle. 9. C'est toi, c'est un échec critique, c'est dommage. Ok. Du coup, tu jauges quand même que si tu peux rentrer, le plus dur, ça bien entendu de ne pas étouffer sous la fumée, etc. Ça serait peut-être plus intelligent de chercher un moyen annexe pour arriver plus rapidement au troisième étage, genre un bâtiment qui te permettrait de sauter de l'un à l'autre, un truc comme ça, que plutôt essayer de monter trois étages sous la fumée, ce genre de choses. Après, tu peux tenter de monter les trois étages sous la fumée. C'est juste que tu sais que le corps humain absorbe assez mal la fumée. Esther, pour revenir à toi. Donc, revenons sur cette position. Donc, bon, tu as chuté, tu as voulu quand même l'insulter un peu, ce qui est logique. Hein, on vient de te renverser bien brutalement. Brutalement, ça, c'est plus j'ai plus. Oh là là, merde. Bref, tout ça pour dire. Du coup, tu te relèves et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas au niveau de l'interstice, sachant que ça donne sur une bâtisse hein, qui donne sur dans ton quartier immédiat? Alors, pour faire plus clair, le quartier, il y a le quartier des usines, mais c'est quand même assez gros. Et c'est pour ça que je parle quand même de quartier. Enfin, c'est il y a des mini zones si vous préférez qu'on peut détourner avec un îlot de maison. Enfin, voilà, c'est un tour de maison si vous voulez, ce que j'appelle là quartier, un peu méchamment. Bon, bref, dans cette maison qui fait partie du coup de ton tour de maison, ça sera mieux dit. Donc tu peux essayer de passer par l'intérieur en passant par la brèche ou continuer sur la route pour rejoindre directement ta maison. Je passe par la brèche. Ok. Tu passes par la brèche. À l'intérieur, tu vois une maison, ce qui est assez classique, hein, si ce n'est qu'elle semble avoir été renversée dans tous les sens. Plus aucun drap, fait de séparation de pièces, etc. C'est vraiment ce qu'il y a de plus austère. Hein. Tu sens que ça a été un peu dévasté, peut-être pourrait être divalisé, non, c'est pas ça. Dévalisé, merci. Peut-être était-ce un voleur qui est passé. Tu continues ton chemin. Cette maison va te permettre du coup d'emprunter directement une cour intérieure et accéder assez rapidement. En tout cas, tu es sûr sans croiser normalement qui que ce soit jusqu'à ta maison. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier si ce n'est d'avancer? Non, je jette un coup d'œil quand même, histoire de voir si je reconnais pas des gens. Je suis vraiment gâté. Honnêtement, tu croises quasiment personne. Tu te dis que sûrement les gens contaminés sont actuellement en train de... sont actuellement en train d'être en quarantaine, gérés par des médecins. Et les autres sont sûrement dehors, en fait, parmi les groupes qui essayent de survivre sans se prendre une charge métropolite, malheureusement. Du coup, tu continues d'avancer. Et tu arrives à ton bâtiment. Tu vas monter les étages pour arriver au dernier qui t'appartient. Et tu ouvres tout simplement ta énorme porte de métal et tu as accès à ton chez-toi. Et tu remarques que tu as été aussi dévalisé. Comme décrit précédemment, tout est sans en dessous. Les draps qui servent, enfin les draps, les tissus qui servent de séparation de pièces, comme à l'accoutumée, sont tous renversés et mis dans un coin. En gros, tu as vraiment accès à tout le... Bah, en fait, tout chez toi d'un seul point de vue. D'un seul regard. Ok. Bah, déjà, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas? Tu regardes et bon. Il ne semble pas avoir de personne vivante chez toi à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a mon lézard? Tu le cherches là tout de suite, tu ne le vois pas. Tu vas te mettre à chercher sous des débris qui sont tombés, etc. Après tout, c'est un lézard, en plus de ça, à moitié mécanique, dans le sens où il a déjà perdu une partie de son corps. Donc, tu sais que bon, ça pourrait être assez, assez fort. Et au bout de quelques minutes de recherche, tu tombes sur ton lézard qui, effectivement, était coincé sous un débris qui est tombé. Ok, mais c'est tombé. Exactement d'où les débris? Quand je dis débris, c'est vraiment en fait tout ce qui est... C'est le... Tes meubles, etc. Ont vraiment en fait été renversés, tu vois. Ça, c'est vraiment... tu vois, quelqu'un est arrivé et a cherché sur ta table, sauf qu'au mieux de déplacer, bah, tu vois, il a donné un gros revers de la main, tu vois. C'est, tu vois, c'est dans ce sens-là que c'est vraiment un bordel désorganisé. De quoi? Pardon. Du coup, ma porte a été enfoncée, on est d'accord. La porte est pas enfoncée, pour le coup. Je crois que j'ai du mal à visualiser. Du coup, comment ils sont rentrés après? Bah, c'est... Alors ça, par contre, c'est une question. D'accord, ok. C'est... Mais... Ça c'est la question. Mais effectivement, pour ton imaginaire, c'est comme si la porte était enfoncée, sauf que là, ça ne l'est pas. Mais effectivement... D'accord, okay, c'est pas moi qui ai mal compris, c'est... Okay. Oui, oui. Bah, du coup, déjà, je referme la porte et je mets un truc pour bloquer. Ok. C'est plutôt ensuite, bien. Ensuite, je sors mon arme à feu. Et je me dirige vers le petit balcon, tu sais, où il y a une petite échelle qui mène sur le toit. Ok. Et j'y vais, et vu que pour le coup, en plus, je suis bien à hauteur, si jamais il y a quelqu'un, je pense que je suis peut-être... Très bien. Tu te rends sur le balcon, tu empruntes l'échelle qui te permet de monter. Barreau par barreau, tu as un peu ton cœur qui palpite, hein. Tu te dis qu'il y a peut-être à l'issue de cette échelle une personne qui t'attend, finalement. Et alors que tu atteins le dernier barreau, Victor... Je me tire dessus. Victor, de ton côté, vous continuez à maintenir position, la personne à côté de toi commence vraiment à faire couler des larmes, hein. Tu n'as pas vraiment réussi du tout à la remettre sur pied. Bon, enfin bref, tu vois qu'au bout d'un moment, elle se fait... Mais vraiment engueulé par votre chef, hein, qui le chope et qui lui donne un petit sermon pour le remonter, mais tu te dis que ce sermon n'est pas très, très amical. Malgré tout... Oui, c'est bon. Malgré tout, tu vois passer dans une des ruelles qui permet de rejoindre la place... Une personne que tu connais, au moins de vue. Est-ce que je te fais un jet pour ça? Non, ça va. Je te fais pas de jet pour ça. C'est une personne de noire de peau sur laquelle tu as été un peu confronté à chacune de tes rencontres, Kaino. Ok. Tout simplement, le parc dans la place et se rejoint finalement la petite troupe de personnes. Et tu sais que du coup il est là. Ben, je me dis, merde, il va commencer à polémiquer, il va faire envenimer la situation. Je suis pas bien parce que je me dis, si lui commence à prendre le parti de... voilà, c'est ça. C'est, si lui il commence à prendre le parti, il va faire chauffer la population et ça va partir en sucette. Du coup, je sais pas quoi faire. Tu as le droit peut-être de... Est-ce que je peux aller le voir? Oui, tout à fait. Du coup, tu préviens juste ton chef pour éviter qu'il se défonce. Je le préviens, mon chef, pour dire il faut absolument que j'aille à la rencontre d'une des personnes. Qui... Ouais. Voilà. Tu vois que du coup, il chope le gamin qui vient d'engueuler. Qui chope par le col et le met à ta position pour compléter sa formation. D'accord. Toi, du coup, tu es libre d'avancer. Il te dit quand même de faire attention parce que, bah, visiblement, vu que ça balance des pavés depuis tout à l'heure. Je me dirige très rapidement dans sa direction pour justement éviter de me prendre un pavé en y allant et me retrouver assez rapidement à son contact. J'ai eu un freeze, mais c'est pas grave. Bon, ouais. Être très rapidement à son contact l'interpeller, quoi. Enfin, l'interpeller. Le discuter, quoi. Ok. Tu t'approches de lui. Et. tu t'approches de lui, tu vois, tu l'attrapes pour engager la conversation. Tu vois que sur le coup. Tu vois juste ses yeux s'écarquiller, il s'attendait vraiment pas à te voir pour le coup. Vous Oui. Alors attends, est-ce que tu m'as mis le doute avec la petite phrase, du coup j'ai regardé. Non, ça va, tout va bien. Oui. Oui. Je vous vois venir. Écoutez, la situation est catastrophique. Nous sommes là pour essayer de contrôler et juguler un petit peu la panique qui s'instaure ici. Est-ce que je suis au courant de l'histoire de la peste et tout ça? Non. Non, je sais juste qu'il y a une épidémie. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Écoutez, seul personnage qui est un peu plus informé, étrangement, c'est Esther. Ok. On a été envoyé ici pour... parce qu'on nous a dit qu'il y avait une épidémie qui avait éclaté dans le quartier. On est ici pour empêcher que l'épidémie se propage à tout Venise. On n'est pas là pour casser les gens, pour faire quoi que ce soit. On veut juste essayer d'exprimer aux gens qui restent ici et que les médecins et tout ça seront envoyés pour soigner et endiguer l'épidémie. Mais on peut pas laisser se propager cette épidémie à tout Venise. Je comprends que les gens soient complètement paniqués parce que l'information passe pas. Et d'autant plus que voilà, les métropolites sont très mal vues. Je sais que vous savez leur parler, ils vous écoutent. Essayez de leur expliquer. Et que ce qui se passe là, si ça continue, ça va partir à l'affrontement. Et honnêtement, c'est pas le but. Il faut qu'ils comprennent que s'ils restent tranquilles, tout se passera bien. Oui. Si vous le dites, oui. Enfin, faut en même temps dire un peu de calmer vos hommes, hein, parce que visiblement, vu le nombre de blessés. Je vous dis ça à vous, mais mon chef est assez violent, assez. Même moi, ça me perturbe beaucoup. Mais bon, discuter les ordres, c'est assez compliqué. C'est pour ça que je vous dis ça à vous. Vous avez les moyens de pouvoir calmer tout le monde. Et moi, de mon côté, j'ai essayé de leur expliquer que vous gérez la situation et que. On fera en sorte de reculer pour laisser les gens respirer un peu plus. J'entends bien, je suis moi-même contre l'idée d'une confrontation, en vue des dégâts que vous êtes capable de laisser, mais... Justement, je ne pourrais pas faire ça seul, j'ai besoin que de votre côté, vous évitez de fracasser des crânes, ça... Ça aiderait grandement que je puisse... D'ailleurs, je n'ai pas tant d'ordre que ça, hein, je sais parler publiquement, c'est tout ce que je peux faire. Écoutez, moi, je vais essayer de mon côté d'aller voir mon chef pour essayer de calmer la situation et essayer du vôtre de rassembler la population et de leur expliquer un peu ce qu'il en est. Ouais. Ouais, faites vraiment du bon boulot pour le coup. J'ai l'impression que ça joue plus de votre côté que du nôtre. Hein. Bah écoute, écoutez, je vais faire ce que je peux. Du coup, je retourne. Que lui commence à aider des médecins, il commence à discuter ici et là. Bah moi je vais voir mon chef. Okay. Tu vas voir ton chef. Mon chef, excusez-moi, donc oui. j'ai discuté avec un des responsables des syndicats de la basse ville. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Non mais en fait il va essayer de faire en sorte que les gens se calment et respectent l'ordre. Seulement, il m'a demandé si c'était possible pour que la situation se calme d'autant plus vite que de notre côté, on essaye de détendre l'atmosphère et ne pas fracasser du crâne à tout bout de champ. On peut rien détendre du tout. Ce sont les bonnes méthodes qui marchent. On fait juste en sorte qu'aucun d'entre eux puisse sortir d'ici ou provoquer une vague de panique. Tant pis si... Ça déplaît à certains syndicalistes. Ouais, mais bon, si on peut s'éviter de nous blesser, ça peut être pas plus mal. Écoutez, vous n'êtes pas là pour discuter mes ordres, là, ce que je cherche. Chut, bouge. Non. Casse les couilles, ces chefs. Tu rêves intérieurement de... Oui, dans ma tête, je rêve lui mettre un coup de batte. Mais il finit juste son injonction et tu hurles de retourner à ta position et de virer c'est ce gosse. Bon, c'est pas un gosse pour le coup. Non, c'est le gosse qui. Celui qui est en larmes. Ah, d'accord. Bah écoute, allez, viens là, toi. Toi du coup, pauvre, tu il prend pour partie. Lui, mais tu vois, il a rien fait, mais c'est lui qui prend. Oui, Kornilov. Excuse-moi. Kornilov. Donc, ouais. Dis-moi, est-ce que tu as un plan ? Est-ce que tu as quelque chose Est-ce qu'il y a genre... j'ai du mal encore à me représenter les différences entre les bâtiments. Genre, il y a des micro-ruelles entre les bâtiments. Il y a des... Ou c'est des bâtiments collés, tous. Ils sont tous collés ou comme ça. Alors, en fait, ça dépend. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont collés entre eux. Et bah, là où tu marches, c'est là où il y a des ruelles. Donc, où les bâtiments sont un peu séparés. Cependant, là... Une des ruelles qui appartient à cette bâtisse en flammes, c'est une ruelle qui est assez étroite. Hein. Excuse-moi, je cherchais le mot. Parce que, comme je vous le disais, hein, mais l'architecture hein, dans le monde des crimes se fait sur on a besoin de mettre des bâtiments, alors on les met là. Donc c'est pas souvent très joli, mais c'est souvent du coup des grosses rues, des petites rues. Donc tu sais que t'as cette rue-là qui est plus étroite que les autres. Donc si jamais tu veux faire passerelle... D'un bâtiment à la bâtisse, c'est vers cette rue-là qu'il faut se diriger. Le reste est assez large. Je sais pas si j'étais clair, tu peux poser plus de questions si tu veux, t'inquiète. La ruelle, elle est étroite à quel niveau ? Genre, elle est vraiment très très étroite ou... Est-ce que c'est le genre de ruelle, ouais. C'est où t'es comme ça et tu dois te mettre sur le côté pour passer des fois des trucs comme ça ? Alors, pas autant, mais quasiment. Vraiment, pour le coup, c'est tu passes en restant. Genre, il y a de la place que pour une personne. C'est ça. Vous avez pas marché à deux côte à côte. Ok, mais je vais tenter un truc, c'est que je vais même pas aller dans un bâtiment, je vais juste me servir simplement du fait que la ruelle soit étroite pour grimper. Voilà, tu sais, en faisant contrepoids avec le. Oui, avec le. Je crois voir ce que tu veux faire. C'est un jet. Oula, ça va être des jets, ça. Toutes leurs portes vont être fermées, allez, c'est con, je vais pas pouvoir rentrer. Excuse-moi. Oh, bon, déjà, je vais gagner du temps juste avec cette phrase, mais si les gens ferment les fenêtres, c'est mieux pour étouffer le feu, hein, déjà. ah, franchement, je sais pas, c'est très compliqué. Bon, allez, un jet d'athlétisme, en plus, je crois que tu es très très fort. Ouais, j'ai 3. Ça me fait 10. Ah, ça va, ça. Bien, bien, bien, bien, bien. Putain, mais tu te rattrapes, Angers. Hein. Oh, mais c'est mon premier vrai jet qui fonctionne. Non, non, ça va. Enfin, c'est mon premier bon jet. Du coup, si j'ai bien compris, en fait, tu veux utiliser la proximité pour réussir à monter en t'appuyant sur la façade de l'autre, et donc, du coup, passer de l'un à l'autre. Du coup, visiblement, tu y arrives plutôt bien. Heureusement que Kornilov a une bonne santé physique, une bonne carrure. Que j'aurais en plus de ça, je crois que tu es ambidex. Donc, même sans compter le bonus, ça te permet, par contre, pour le coup, de vraiment pas avoir de main qui va te lâcher. Là, pour le coup, chacune de tes mains va te servir d'appui très fort. Et tu es un bon cinquantenaire, effectivement, bien en forme. Et même peut-être plus en forme que certains du groupe qui ont 25 ans, tu vois. Genre, c'est quand même assez étonnant. Du coup, tu vas grimper et je vais te demander le même jet en fait d'Athletims, mais c'est juste pour voir sur la hauteur comment tu es. 11. Bien, bien, bien. Du coup, tu arrives jusqu'au troisième étage sans trop de difficultés, si ce n'est peut-être la fumée et les flammes qui commencent à être vraiment envahissantes et peut-être un peu gênantes, mais malgré tout, avec du temps et de la concentration et surtout une bonne forme de cinquantenaire, tu arrives à atteindre une sorte de petit balcon. Alors vraiment, les balcons, c'est vraiment où tu tiens, tu sais, une seule personne debout, quoi. Mais un petit balcon qui sort un peu de la façade et donc tu permets de t'y attacher, de t'y appuyer pour tout simplement rentrer dedans. Au troisième ? C'est au troisième que je dois laisser ça ? Ouais, c'est ça, c'est au troisième. Au troisième, d'accord. Mais avant de rentrer, je vais quand même prendre ma respiration. Pour éviter de m'étouffer pendant que j'essaie de sauver des gens. Tout à fait. Tu prends ta respiration et tu fonces dans les flammes. Esther, tu enfin lèves la tête au-dessus de cette échelle. Et face à toi, un toit totalement vide. Ok. Je redescends et je ferme la porte. Tu souffres quand même un coup, je suppose, de ne pas avoir vécu une confrontation, toi, à ton insu. Parce que malgré tout, tu n'aurais pas eu l'avantage en débarquant d'une échelle si une personne t'attendait. Tu redescends, ferme la porte, dis-moi. Je ferme la porte, du coup, encore une fois, je mets un truc pour bloquer, du coup, vu que visiblement quelqu'un peut rentrer malgré mes CV. Et je vais aller finir ma bouffe pour voir avec les tons ce qui a été volé. Donc je sais que le danger imminent est éloigné. Okay. Tu regardes ton stock de nourriture. La nourriture n'a pas été... elle a été renversée, sortie, etc. Mais elle n'a pas été volée en soi, donc tu as toujours quelques champignons, quelques mousses stockées. Qu'est-ce qui a été ? Je fouille d'abord. Tu regardes tout, tu fouilles. Et je remets tout en ordre aussi, petit à petit. Ouais. Je vais quand même te faire un petit jet, comme ça peut toujours aider ton expérience. Allez, un petit jet rapide, même si en soi... pas nécessaire, mais de traumatologie. Oh. 13. Très bien. Du coup, tu regardes et quelque chose te marque immédiatement. Ce n'est pas l'absence, finalement, d'un objet. Bon, en fait, tu remarques même qu'il n'y a aucune absence pour l'instant à identifier, mais la présence d'un objet supplémentaire chez toi. Cet objet, c'est une plaque de cire qui a été posée plutôt à l'évidence, en fait, mais dans la panique, dans le fait de vérifier qu'il n'y avait rien, etc., tu ne l'avais pas remarqué. Quelqu'un a pris une plaque de cire. Exactement. Et finalement, il y a une plaque de cire qui a été déposée plus ou moins au centre de ton appartement dans lequel tous les tissus ont été détachés. Bah, je regarde ce qui est écrit dessus. Tu regardes, et tu vois que sur la plaque de cire, il y est écrit... Rendez-vous immédiatement dans le... J'ai perdu le nom. Les égouts. Merci. Excuse-moi. Alors, il n'y a pas marqué j'ai perdu le nom, tout ça. On avait pas dit qu'il n'y avait pas d'égouts. Alors, si, mais c'était une erreur de ma part, mais je considère du coup que ceux de Venise sont petits. On en reparlera si tu veux. J'ai d'autres balles chez moi. Oui, pas de soucis. C'est juste pour être sûr qu'il est pas... Ouais. Oui, non, mais... C'est pas de ma gueule. Pourquoi est-ce qu'il a enculé ma... Enfin, pardon, pourquoi est-ce qu'il a saccagé ma maison pour pouvoir... Mais il peut pas la poser directement. Alors, c'est une excellente question. Oui, non, je me doute que c'est pas une incohérence. non, mais... Et du coup, ce que je fais, c'est que... Est-ce que j'ai d'autres munitions chez moi ? Malheureusement, non. Est-ce que j'ai un truc avec lequel je pourrais taper? Mais tu as, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, attends, je vérifie quand même rapidement. Oui, attends. Il me semble que tu as une arme de... Une arme de corps à corps. Corps. Tu as une lame mécanique. Hein. Lame mécanique, exactement. Donc, tu as de quoi taper, de base. Ouais. Eh bien, je vais déposer un peu de nourriture de côté pour mon petit gecko, et puis je vais repartir. Et... Ça m'énerve que n'importe qui puisse aller chez moi. Mais je peux pas faire grand chose malheureusement. Enfin, de l'extérieur, je peux pas bloquer l'entrée. Si je... Effectivement, c'est un peu compliqué. Bon bah du coup, je vais y aller. Non, tu sais, okay. C'est un petit truc, genre une petite miette au niveau de la poignée, comme ça si quelqu'un l'actionne, elle tombera par terre et puis je verrai que quelqu'un va rentrer. Ça me dérange que les gens puissent rentrer chez moi, ça me fâche. J'aime pas. Très bien, tu prends quand même tes précautions et tu... Victor, mon cher Victor, de ton côté, tu vois que... Pardon. La peste. Que la peste, visiblement, atteint le métajeu. Mais surtout, malgré tout, les tensions commencent à monter. Tu vois que tes actions étaient plutôt positives, dans le sens où tu vois quand même que Kaino, quand il voit quelqu'un jeter, il essaye de lui parler, etc. Mais tu dis qu'effectivement, on est quand même en dehors de son usine, il perd un peu de sa prestance de syndicaliste écouté par tout le monde, et ça se ressent. Ça se ressent parce que pas mal de gens l'ignorent et continuent à vous envoyer des pavés. Mais plus inquiétant, à vrai dire, la... commence un peu à se rassembler. Il faut dire que votre chef, lui, continue à hurler des ordres de manière continue. Il dit « toi, tu vas là », et forcément, tu pourrais même avoir l'impression qu'il provoque quelques confrontations, tu vois, genre « ah tiens, tu vas aller là, pile à l'endroit où il y a quelqu'un qui arrive pour... » Alors, tu vois, tu... Oui. Question, est-ce que c'est un comportement... entre guillemets normal d'un chef métropolite d'agir comme ça dans la violence, ou c'est lui qui est juste plus cinglé que les autres? Alors c'est une excellente question. De ce que tu sais en ayant étudié, tu sais que la violence est quand même très recommandée pour ne pas perdre trop de temps et vraiment faire comprendre le message pour essayer de calmer au maximum, du moins contenir au maximum les foules. Après c'est de la supposition, bien entendu, quand je te dis t'as la pression que... ça veut pas dire que... Peut-être qu'il n'agit pas dans ce sens-là, tu ne sais pas. Ouais. Maintenant, voilà, tu peux te poser légitimement la question, effectivement, tu peux te poser la question de est-ce qu'il n'est pas un peu trop dans la violence vis-à-vis de ce qu'on est censé faire. Ah, est-ce que on a un chef, enfin lui, et est-ce qu'en dessous de lui, il y a quelqu'un d'autre? Ou c'est lui et nous? C'est-à-dire que tu connais pas vraiment les gens que tu côtoies. Ça prouve au milieu, il y a des gens bien gradés. À vrai dire, dans la panique, pour l'instant, tu ne vois pas vraiment. Il te faudrait peut-être, du coup, si tu veux, passer du temps à essayer de jeter un peu les badges de tes collègues qui sont en mouvement pendant votre altercation, etc. Pas altercation, c'est pas encore ça, dis donc. Votre mouvement de métropole, ouais. Je suis vraiment désolé, hein, ce soir c'est un peu compliqué. Ouais, la brigade, ouais, en fait, si la brigade métropolite, voir si... Ouais. Tu peux passer du temps à essayer de voir un peu les badges, etc. Ouais. En me faisant un petit test. Non, il n'y a rien pour ça, mais je veux quand même faire un petit test parce que ça donne quand même de l'expérience. Allez, Urba Technologie, parce que c'est quand même très urbain, les... Alors, Urba Technologie. Ça, j'aime bien l'Urba Technologie. Ah bah tant mieux. Alors, 10. Heureusement que j'ai beaucoup dans Urba Technologie. Et bah du coup, tu observes, tu vas prendre un peu de temps pour ça, et ce qui en ressort, c'est que, en fait, les gens sont vraiment très mélangés pour le coup. Hein. Il y a des gens très très peu gradés et des gens plutôt bien gradés. Mais effectivement, il semble avoir du coup des gradés, mais ça a l'air d'être le plus gradé de tous. Et donc, de ceux que j'ai remarqué, est-ce qu'ils ont un comportement similaire à lui, ou il pourrait, semble-t-il, être plus modéré si il y avait pas ce gars-là en fait. Ouais, c'est-à-dire que le comportement, il respecte les ordres. Donc quand il est fait foncer dans le tas, ils ont pas le choix. Mais c'est vrai que t'as pas l'impression non plus que c'est des assoiffés de sang qui vont eux-mêmes chercher la provocation. Mais après, ils sont soumis aux ordres comme toi. Alors, je vais faire quelque chose que je devrais pas faire. Mais vas-y donc. je vais me diriger vers mon chef. Et je vais lui dire que il y a quelque chose qui se passe sur un des fronts, un des côtés, et qu'il faut absolument qu'il vienne voir pour analyser la situation. Ok. Tu vois que il t'écoute, il opine de la tête, se retourne et hurle: Robin, viens me remplacer au poste. Et il te suit. Je cours, en fait un semblant de truc, et je vais dans un coin où il y a un petit coin un peu éloigné du reste, dans une ruelle, et je lui dis: regardez par là-bas. Et donc je fais en sorte qu'il avance un peu plus, qu'il me devance. Il y a des trucs bizarres par là. Tu vas me faire un test pour voir si ça marche. Maraude. Oh, 8. Ah, intéressant. Tu vois que au moment où t'arrives dans une ruelle un peu calme, bon saleux, tu vois qu'il est un peu tu vois qu'il est un peu circonspect. Il te dévisage un peu, mais finit quand même par te dévancer comme tu le souhaitais. Donc au moment où il s'avance et qu'il commence à regarder plus avant, j'ai ma matraque de métropolite avec moi, et par derrière, je lui mets un énorme coup derrière la tête. On va faire du coup une opposition, donc c'est 4d6 avec un pool attaque, un pool défense, même si je me doute dans lequel tu vas mettre le plus de... Ah, est-ce que le fait qu'il soit surpris, je peux avoir un avantage du fait qu'il s'attend pas à ce que je lui tape derrière la tête? Alors, pour le coup, j'allais plutôt lui mettre un malus à lui. Ah d'accord, un défense. Malus, d'accord. Donc du coup, je lance 4d. Et c'est Pugila, c'est ça? Ouais. Ok, donc en attaque, si je puis dire, je fais 10. Sachant que tu as une petite arme. Est-ce que je peux faire marcher mon idéal de briser l'ordre établi pour instaurer un système juste peser dans la balance? Parce que si je le fais, c'est parce que je trouve que c'est dégueulasse ce qu'on fait. Non, mais tout à fait, pour le coup, tu es là-dedans. Et sachant que tu as une incidence plus 1. Ok. Alors, du coup, il faudra que tu me donnes les résultats. Alors, dans ce cas-là, par rapport à mon idéal, vu que là, je lance 4D, comment ça fonctionne? Bah, c'est simple. C'est simple, non, parce que je suis en train de réfléchir, mais... Ce qui est sûr, c'est que tu vas lancer 4D, sachant que c'est censé te... Oui, bah, en fait, tu lances 4D, et ouais. Le plus faible, bah, tu... Attends, c'est quoi? Normalement, c'est que tu... Oui, c'est ça, tu retires le plus faible. Je lance 3D, normalement. Voilà, c'est ça. Je lance 5D. Il y a 7D pour ça, donc tu peux lancer 5D, parce que je vous en ai donné 6. Et je dégage le plus faible. C'est ça. C'est ça, et tu dégages le plus faible. D'accord, du coup, ce que je vais faire, c'est que en attaque, je me retrouve à 14. Bien, bien, bien, bien. Et en défense, 4. Je mets tout dans le coup. Ah bon. D'accord, attends, parce que je calcule, est-ce qu'il y a une petite incidence vis-à-vis de ton arme, donc il va y avoir des impacts plus forts. Tu as combien, excuse-moi, en pugil? 2. J'ai fait 12 en attaque. Plus le 2. Ouais. Attends, excuse-moi, c'est le moment le plus long, mais c'est la première fois que je calcule des vrais dégâts. Et ouais, je suis premier à frapper d'un. Ah oui, totalement. Parce que là, du coup, tu dépasses ça. Ouh, mais c'est pas mal ce que t'as fait, Nimoy. Tu vas lui donner un énorme coup au crâne. Je vais d'ailleurs donner un bonus pour le ciblage. Et tu vois qu'il tombe au sol, mais bon, il est toujours conscient, donc il se relève en poussant un râle et va commencer tout simplement à te charger. Pendant ce temps-là, Kornilov, tu es en train de foncer du coup dans la bâtisse. Tu sautes au-dessus de débris qui sont déjà enfondés, tout est en flammes, une chaleur insupportable pour le coup. Quand bien même tu aimerais la chaleur, ça dépasse bien entendu l'entendement. Tu es vraiment dans la pure action et tu as quand même un gain d'adrénaline assez fort. Hein. Tu sens là pour le coup tout ton corps te pousse au meilleur de toi-même et tu traverses tout ce troisième étage. Malheureusement pour toi, l'homme que tu cherches se trouve visiblement à l'opposé de ton entrée. Parce que c'est toujours plus simple quand ça se passe comme ça. Donc du coup tu traverses, tu passes par le couloir, autour de toi tu entends énormément de débris, t'as le bruit des flammes qui te prend les tympans, tu essaies de retenir ta respiration au maximum, et tu enfonces la porte de métal déjà bien abîmée et un peu fondue. Du coup, bon, tu l'ouvres juste, mais en mettant ton corps, parce que je suppose que tu prends pas forcément le temps de l'ouvrir gentiment. Et du coup, tu arrives, tu vois un homme qui est évanoui, le corps abandonné sur une partie de la fenêtre qui est entrouverte. Ok. Dis-moi ce que tu fais. Je vais le saisir, s'il n'est pas bloqué par quoi que ce soit, je vais le saisir, tout simplement, le soulever au-dessus. Ok, tu le saisis. Et je vais aller voir vers la fenêtre entrouverte, si je peux, s'il y a quelque chose en dessous, ou quelqu'un. Très bien. Tu le portes, tu vois que le poids est quand même assez lourd. Et du coup, bon, tu vas vers la fenêtre, tu le lourd entièrement pour regarder, et par contre en dessous il n'y a rien de spécial, si ce n'est tout simplement trois étages qui descendent exactement sur une rue assez large et peuplée. Il y a des gens ou pas? Il n'y a pas trop de monde, puisque ta flamme tu vas pas rester à un mètre d'elle, donc en fait les gens sont plutôt dans les rues adjacentes en fait, plutôt que directement sous son poids, ce qui peut sembler logique hein, finalement. je vais essayer d'appeler quelqu'un qui est pas loin. Je sais pas, genre je vais faire vous, mettez-vous en dessous de la fenêtre vite. Fais-moi un test s'il te plaît rapidement allez, on va dire ces représentations pour réussir à attirer l'attention malgré les flammes là, tout ça. 11, j'ai 0 en représentation. Et t'as encore fait 11. Hein. Je crois que c'est le même résultat que la dernière fois. Hein. C'est incroyable. Ouais. Du coup... Excusez-moi. Du coup, oui, tu hurles pour chercher du coup que quelqu'un a ton attention. Et bon, voilà, tu sais attirer l'attention. Visiblement, Kornilov est quelqu'un qui sait attirer l'attention. Et il y a plusieurs personnes qui du coup arrivent, qui sortent même de chez eux, hein, qui d'ailleurs t'en rendent tilté. Le fait qu'il y a des gens qui sont restés chez eux alors qu'il y a une bâtisse en flammes qui est prête à s'effondrer, sont peut-être pas super prudents. Mais il n'empêche que quelques gens sortent de chez eux principalement, et du coup t'écoutes tout attentif. D'accord. je vais leur gueuler. Je vais vous jeter un type, récupérez-le. Oui. Très bien. Bon, au moins j'ai conscience que tu as conscience que c'est plutôt dangereux parce que la gravité, les gens, le poids, tout ça. Oui. Mais situation d'urgence, je comprends. Bon, tu dis que ce serait peut-être bien de, peut-être de dire aux gens de prendre un tissu, un truc comme ça, mais c'est pas grave, ils vont le faire à la force de leur corps. On reverra. Très bien, bah du coup, je vais gérer leur jet et tu me dis quand tu lances. Je lance. Allez, très préparez-vous bien. Enfin, je sais, je balance pas juste depuis la fenêtre en restant à l'intérieur, mais c'est genre, je me penche et je fais préparez-vous et je le fais tomber quand je le fais basculer. Je ne leur jette pas par surprise, juste avec la voix qui dit attention. Ok. Du coup, excusez-moi, faut que j'analyse, là j'ai 6 dés en même temps. Très bien. Tu vas lancer le corps. Enfin, oui, la personne inconsciente, pas encore morte, hein, voyons. tu la lances. Et tu leur dis de faire attention, tu vois qu'ils sont tous prêts, les bras ouverts. Bon, ils sont trois, tu te dis quand même c'est un peu chaud ce que tu fais. Mais voilà, c'est l'instant. Tu lances le corps, et l'instant d'une seconde à peine hein, plus tard, tu les vois tous s'effondrer en prenant le corps sur eux, ce qui est normal, hein, récupérer un poids d'une personne qui fait au moins 60-70 kilos, voilà, faut le tenir. Hein. Et alors, bruit, tu supposes que de toute façon, ils ont survécu à ça. Bon, ils ont peut-être un os cassé, mais pff, qu'est-ce que donc ? Qu'est-ce que tu fais ? Et moi, du coup, je vais repartir en courant dans la direction d'où je venais, vers mon balcon, et je vais essayer de repartir par là-bas. Ok, t'aurais pu sauter, toi aussi. Non, ils ont déjà récupéré que moi, ils vont pas essayer de me récupérer à moi. Eh bien, tu te mets à courir, hein, du coup, dans le couloir. T'as un long couloir à traverser, encore une fois, pour rejoindre la salle d'où tu es venu. Vas-y. Je peux préciser, c'est que je sors ma casquette Gavroche, même si j'ai mon uniforme, mais je dois l'avoir dans ma poche. Et je vais me la mettre sur le visage, vu que maintenant, forcément, j'ai plus ma respiration, j'ai parlé. Oui, mais comme tu étais à la fenêtre, tu as pu respirer. Ouais, maintenant. Oui, tu prends ta casquette pour faire un masque. C'est pas idéal, mais c'est toujours mieux que rien, de toute façon, pour filtrer un peu les toxines. Et justement, en parlant de ça, niveau fumée, est-ce que tu commences à en avoir respiré quand même pas mal ? Est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, un test d'athlétisme pour voir comment ton corps d'homme fort de 70 ans, là... 8. Il semblerait que mes poumons soient pas aussi forts que mon agilité. Ouais, malheureusement... C'est la pipe, ça. Ouais, malheureusement, tu te mets, du coup, à courir, mais ça commence à avoir une grosse pression sur tes poumons, vraiment sur ta cage thoracique. Tu sens que ça a appuyé, tu te mets à tousser... Et alors que t'es à mi-chemin, tu vois, genre, il te reste encore quelques secondes de course pour atteindre le bout du couloir, au moins une bonne dizaine. Tu te mets à tousser tellement fort, t'es obligé d'arrêter ta course quelques secondes, parce que bon, courir en tous sens, c'est pas évident. je le sais. Excusez-moi. Ah, vraiment parfait. Et du coup, après avoir toussé comme cela, tu commences vraiment à perdre puissance, et je vais te redemander de faire un jet, et sache que s'il ne passe pas, de peu que tu perdes connaissance. La mort de Cornelio. Et ben, c'est exactement la même, c'est 8. Très bien. Cornelio... Tu commences à réavancer malgré tout, hein. T'as un instinct de survie, t'as envie de t'avancer. Tu titubes, hein. Tu tousses encore et encore. Et tu te dis peut-être que ça aurait été mieux de pas prendre de respiration du tout que passer par une casquette qui ne filtre pas tant que ça la fumée. Et alors que t'es juste au seuil, hein, de la porte qui te permet d'atteindre cette salle à la fenêtre pratique qui t'aurait pu te permettre de descendre, tu t'effondres dans un écran de fumée total. Esther! Je tombe à genoux et je crie non! tu as senti un chamboulement dans la force. En tout cas. Ou du MJ aussi. Esther, dis-moi tout. Comment tu... Bah, du coup, je me dirige au niveau des égouts. J'imagine que depuis le temps, je l'ai fait. Enfin, à moins qu'il se passe... Oui. Non, mais effectivement, tu... C'est descendant. C'est quoi? C'est des escaliers colimaçons, il y a une grille, quelque chose. De quoi tu parles, des égouts, là? Oui, pour descendre à l'intérieur, parce que... J'imagine que je vais avoir mon arme à la main, je me demande qui me donne rendez-vous. Bah, la plupart du temps, pour descendre, c'est soit tu passes par une... un centre, un bâtiment qui s'occupe de ça, et du coup, effectivement, c'est des escaliers. Sinon, bah, c'est comme, bah, plus ou moins comme chez nous, avec des espèces de plaques. Ouais. Dans ce cas, je préfère les escaliers, ça me permet d'être armé au moment où je laisse. Même si... Comment dire, je suis quand même sur mes gardes, parce que j'ai du mal à comprendre ce qui se passe, mais je me dis que si c'était quelqu'un qui me voulait du mal... Vu la facilité avec laquelle elle s'est introduite chez moi, si elle avait voulu me descendre, c'était beaucoup plus simple de rester juste planqué et d'attendre que je rentre et que je pense être seul. Et là, elle me tirait une balle dans le dos. Tout à fait, non mais tout à fait. Je suis sur mes gardes, mais en même temps, je sais pas. Mais voilà, j'ai pas l'impression que je vais me faire tirer dessus non plus. T'es sur tes gardes, tu es au niveau des égouts, du coup tu avances. Pas par pas. Si j'aurais pas vu pour mon lézard, mais en même temps, je sais pas où est-ce que je vais finir. Mais... Exactement. Voilà. C'est. Après, à lui seul, vu la bouffe qu'il y a, normalement, il peut venir. C'est vrai que finalement, bon, c'est un avantage, c'est que c'est un petit corps à nourrir. Ouais. Tu préfères ça qu'avoir un gros chien de 40 kilos. Ouais. C'est un peu plus complexe à nourrir. En tout cas, tu avances dans ces égouts. Il n'y a personne pour l'instant qui t'attend. Par conviction, peut-être instinct. Tu décides de t'y enfoncer au moins parce que de toute façon, ils ont t'y a donné rendez-vous. Après, tu es rentré par une des entrées, je ne sais pas forcément où, dans les égouts. C'est quand même un petit réseau. D'ailleurs, au niveau égout, c'est vraiment quelque chose d'assez minimaliste à Venise. C'est quelque chose qui est assez petit, hein. À vrai dire, tu y tiens debout très difficilement. T'es recroquevillé un peu sur toi pendant que t'avances, qui d'ailleurs freine un peu ton rythme de marche. Bon, pour le coup, comme t'es plus sur tes gardes, ça te dérange pas plus que ça de prendre un peu plus ton temps. Mais voilà, t'es quand même recroquevillé. Tu sais que par exemple, là, si tu vas faire une course poursuite, ça risque d'être un peu compliqué en termes de souffle, de rythme, parce que plier en deux, c'est toujours plus compliqué. Du coup, tu avances. Prends un tournant, un autre. D'ailleurs, encore une fois, toujours très minimaliste. Hein, y a rien, c'est très petit, c'est très un seul chemin. Du coup, tu suis juste en espérant tomber rapidement sur la personne que tu cherches. Et alors que tu es en train d'avancer, tu entends au loin ce qui se fait entendre comme des bruits de pas. C'est mais par la résonance, pas des bruits de pas proches comme il y a quelqu'un à 20 mètres de toi, mais plus comme de manière assez éloignée, il y a quelqu'un qui est en train de marcher, sur un rythme d'ailleurs assez assez accéléré. Est-ce qu'en gros je peux vite fait me cacher? Pour le coup, comme je t'ai dit, les égouts de Venise sont très minimalistes, donc c'est vraiment de la ligne droite et des tours en bas. C'est un encart dans un mur, un truc... Malheureusement, Venise n'est pas la ville des égouts. Dans ce cas-là, je vais aller faire un jeu. Qui va là? Ok. Tu demandes. Fais-moi un jet de représentation pour voir si tu parles assez fort. J'ai fait 6 plus 2, 8. Très bien. Tu entends ta voix résonner un peu loin. Et lorsque elle résonne, tu entends les pas s'arrêter d'un coup. Puis reprendre. Encore une fois, vu que tu n'entends que les échos. Tu ne serais pas joli. Par contre, tu sais que du coup, par le temps qui s'est passé, par le fait que ta voix a dû résonner, que déjà il t'a entendu, mais que c'est assez éloigné. Que, si vous voulez vous croiser, il va falloir que tous les deux vous avancez. Là, j'avance alors aussi, arme à la main pour une fois, caché dans le manteau que j'avais récupéré. Victor, du coup, mon cher. Oui. Il a la peste. Victor, du coup. Je l'ai mis mal quand même. Il est pas tout frais là. C'est ce que je voulais dire. Merci de m'aider à faire cette narration. Effectivement, le coup l'a quand même touché, mais tu vois que T'as manqué de force, peut-être que tu manques de force en fait en général, hein, maintenant que tu y réfléchis, tu n'es pas quelqu'un qui, est, qui a vécu dans la confrontation physique, hein, tu n'as c'est pas vrai. Un grand entraînement à ça. Quand bien même tu es très très bouillard, que tu sais te gérer des situations, mais c'est vrai que ça pour le coup c'est un peu plus compliqué la confrontation physique chez toi. Ouais. Et du coup tu sens que ton coup aurait dû résonner plus fort et que malheureusement de peu, d'un manque de savoir... ça n'a pas suffi à le mettre au sol, et donc, comme je le disais, c'est relevé en poussant un énorme râle de rapidement ce que tu peux croiser. Hein, du sang commence quand même à s'écouler, donc tu sais qu'il y a au moins un bon impact, quand même assez puissant pour le toucher. Et il commence du coup à te foncer dessus en t'injurant totalement. On va faire du coup, encore une fois, une confrontation physique en pugilat, sauf que cette fois, c'est lui qui commande, c'est lui qui a l'offensive. Toi, t'en. Ah, enfin, je vais pas dire ça. Est-ce que briser l'ordre établi machin, ça compte toujours? C'était plus pour l'idée de base. Là, t'es juste en mode cet homme essaye de survivre. De me rendre des coups. Ouais. Non, attends. Donc, je lance mes 4 dés et c'est toi qui. Et tu me fais un. Et tu me fais un pool. C'est bien. Alors là, on va dire que c'est plus pour me défendre puisqu'il m'attaque. Ah, tu peux jouer offensif, tu peux essayer de l'avoir avant qu'il te touche. Hein. C'est d'ailleurs tout l'intérêt en fait de ce système. C'est, du coup, c'est toi qui gères comment tu ressens. Ouais, mais alors, attends, est-ce que. Ça, c'est juste entre nous, mais est-ce que le fait que je l'ai. Il a un malus dans ses dés puisqu'il est censé être quand même groggy. Donc pas dans son état normal pour m'attaquer. Ouais, bon. Moi, je vais quand même essayer de l'attaque. Ok, bah dis-moi. Bah, j'ai fait 10. Ok. Et 6 en défense. 6. Ok. Ah, putain, c'est la situation la plus intéressante qui est possible. Il te charge dessus hein, pour aller au corps à corps avec bah, voilà, le bâton qui vous sert de matraque pour le coup. D'ailleurs, bon, une matraque directement, hein, je vois que ça existe dans les incidences. Donc, il vous fonce dessus, enfin, il te fonce dessus, je sais pas pourquoi je commence à vous voyer. Et toi, tu décides, dis-moi comment, du coup, bah, tu veux rendre le coup avant qu'il te le donne. Donc, c'est qu'est-ce ça. Que tu fais ? Est-ce que tu veux... Dis-moi comment, genre juste une action. Est-ce que tu je laisse arriver le plus proche de moi, genre quand il donne son élan pour me frapper. Sauf qu'au dernier moment, je m'écarte et genre comme si je voulais lui donner la matraque, mais au niveau de la gorge, tu sais, genre me décaler et faire poc et taper comme ça là, pim sous la gorge. Il arrive à ton niveau, toi tu veux juste décaler pour mettre un énorme coup de matraque dans la gorge. Malheureusement, au moment où tu décales, tu sens quand même sa matraque te toucher. Tu vas avoir un point d'impact léger, mais ça je gère la santé. Et toi de ton côté, c'est un peu compliqué. Toi de ton côté, tu arrives tout de même, malgré le coup, à lui asséner le coup que tu voulais dans la gorge. Et tu fais, là ça fait 2 plus 1, 3. Bah tu refais du coup, pareil, un impact léger. Donc, tu lui remets un coup dans la gorge. Tu vois qu'il part sur le recul. Toi aussi, t'as un peu sonné par l'impact de son coup. Tu pensais, par le fait que tu semblais bien placé, ne pas te prendre le coup. T'es quand même, je pense, content de toi d'avoir réussi à lui asséner le coup, malgré le fait que t'en aies pris un. Et du coup, dis-moi ce que tu fais. Ah bah de toute façon là j'ai pas le choix, hein. Faut aller jusqu'au bout. Hein. C'est mon supérieur, donc si je le mets pas à terre, c'est vrai que ça va mal se passer. Hein. Donc je renchaîne. Hein. Faut enchaîner. Hein. Tu renchaînes. Pareil, on refait 4D. Attends juste à me donner les résultats parce que pour la... Je dois faire le mien sans... Alors j'ai 11 en attaque, 5 en défense. Attends, il faut que j'ajoute pugilat à ma défense aussi ou pas? Bah oui, oui, pour les deux. Ah bah mince, alors depuis tout à l'heure je le fais pas. donc je fais 11 en attaque et 7 en défense. Ah. Parce que tout à l'heure j'avais 8 en défense. Ça change des choses en plus donc. Ouais, c'est pas grave. C'est ma faute. Ouais. Parce que du coup en plus t'aurais pas pris le coup. Tu vois. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. J'apprends aussi. Ouais, c'est pas. C'est pour le côté cinématographique, je comprends. Voilà. Voilà. De voir des vrais combats. Épique. Excuse-moi. Donc 11 et 7. Exactement. Donc, on est dans la même situation, sauf que cette fois, c'est toi qui le charge. Tu veux lui asséner un coup, dis-moi un peu comment. Je sais qu'on est dans la bataille, hein, donc de toute façon, c'est pas des coups. Ah bah là je vais viser je vais essayer de d'attaquer les jambes, essayer de le frapper au genou pour essayer de l'immobiliser et donc lui faire le blesser au genou. Donc je vais frapper dans les genoux. Très très fort. Très bien. Très bien. Du coup Oula, attends, faut que je casse. Oh, tu m'as dit que t'avais deux en pugilat, c'est ça hein. C'est ça, ouais. Ouais. Deux. Bah du coup je voulais t'expliquer en off, mais du coup ça va te vous permettre de comprendre un peu le système. Je rappelle un truc que du coup je vous détaille un CP parce que c'est moi qui gère toutes les marges, etc. Mais en fait chaque point au-dessus du seuil de difficulté est un point de marge réussi. Sauf que en fait c'est limité à votre niveau de compétence. Donc par exemple là t'as 2 en pugilat, tu peux pas faire une réussite qui a plus de 2 en termes de marge au-dessus en fait. Ouais. Et donc du coup en fait le c'est pour ça en fait je t'explique pourquoi tu galères un peu en combat. Là du coup en combat, là par exemple tu avais 5 points au-dessus de lui. Sauf que j'ai que 2. Bah, comme donc, t'as que 2, bah tu peux pas faire aussi mal que ça. Ouais. Parce que tu sais mal gérer le combat, etc. T'as quand même l'incidence de plus 1, donc en fait tu fais 3 en incidence, en accomplissement. Mais tu vois, du coup c'est pour t'expliquer comment ça fonctionne, c'est que du coup bah moi en fait je calcule ces marges là. Et c'est pour ça, par exemple, que tes coups qui étaient censés pouvoir l'assommer, comme toi tu galères au niveau physique, bah, ouais. Tu vois, c'est quasiment impossible, si ce n'est des jets avec des meilleures armes. Ou, donc je vais l'avoir à l'usure, en gros. C'est ça. Ouais. Voilà. Mais comme ça, ça vous permet de comprendre un peu les dessous des règles. C'est vrai que ça, c'est un truc que je vous ai pas du tout expliqué, parce qu'il y a que moi qui te gère, donc ça sert à rien que. Okay, temps, mais ça te permet de comprendre pourquoi tu galères un peu au combat, et pas juste. Voilà. Du coup, excusez-moi pour cette petite parenthèse, mais je trouve. C'était le bon moment pour en parler. C'est utile. Ouais. Du coup, tu lui assènes un énorme coup de matraque au niveau des genoux. Au niveau des genoux, là où toi tu le reçois au niveau des côtes. Par chance, tu arrives à assez bien assumer le coup, donc tu n'es que très peu blessé par son coup et tu vas pouvoir continuer la lutte. À qui j'en serais ? Oui, j'étais à Cornilov. Si je me trompe pas dans Cornilov. Ah oui c'est vrai, mais c'est pour ça. Ah. Cornilov. Bon bah tu es assommé. Esther. Tu continues d'avancer comme tu me le disais. Tu continues d'avancer. Je vais pas répéter ça ad vitam, mais bon bah c'est des égouts malheureusement. Il ne se passe pas forcément quelque chose de très problème. Mais tu es sur tes gardes comme tu me l'as dit. Sabre dans une main, ta lame mécanique dans une main. Et prêt, ton arme dans le manteau, prêt à être sorti et à tirer. Tu sais que t'as qu'une balle, donc du coup, tu gères bien. Et tu avances. Les bruits de pas se sont totalement arrêtés. Donc, soit la personne t'attend, si c'est la personne qui t'a donné rendez-vous, soit bah, elle est sortie des égouts entre-temps, ce qui n'est pas improbable, vu bah, voilà, il peut y avoir des bouches hein, à peu près partout. Et donc... Tu continues d'avancer et dis-moi un peu, pour retourner un peu à cette ancienne tradition, comment tu gères à l'intérieur là, tout ce qui se passe depuis le début, tes sentiments, tout ça. Assez anxieux, mais toutes ces angoisses, c'est un petit peu, on va dire, comment expliquer, relevé par une once de curiosité. Mais je crois que les informations arrivent trop vite pour pouvoir les traiter pour l'instant. Et mine de rien, la peur du génocide dont on en parlait avant, même si c'est pas, ça n'a pas l'air d'être absolu, bon, t'y penses quand même forcément, donc... C'est dans cet état d'esprit que tu avances dans ses égouts. Et malheureusement, pour l'instant, il ne se passe rien de plus. Malheureusement ou heureusement. Je vais donc repasser rapidement à notre ami Victor en plein combat. Victor, pareil, hein, de toute façon, on continue le combat. Fais-moi un bon 4 de 6, s'il te plaît. Alors, 12 et 5. Cette fois-ci, j'ai rajouté. 12 et 5. Très bien. Il va tomber, cet enculé. Ouais, bah là, je peux te dire que t'as fait une très jolie réussite, donc tu auras en plus des points supplémentaires. Et donc, du coup, dire c'est accomplissement et préservation, les vrais noms. Ils me sont revenus. Accomplissement, ouais. Et du coup, tu te mets à le charger. Dis-moi maintenant, c'est quoi ta stratégie? Est-ce j'ai dû quand même lui faire mal dans les genoux. Donc, faisant en sorte qu'il ait moins de mobilité. Du coup, une fois avoir frappé dans les genoux, je rempile direct. Et là, je vise la tête, la tempe. Bim! Tu lui mets un énorme coup. Et bon, il a déjà subi quelques impacts plutôt légers auparavant. Et là, tout à coup, tu lui mets un énorme coup alors qu'il est déjà blessé au niveau du crâne, hein, qu'on sait qu'il est la zone la plus fragile du corps. Et donc, du coup, il s'effale au sol hein, dans une éclaboussure de sang totale. Tu y allais de toutes tes forces. Je te autorise que tu as fait exactement le double de son résultat en défense. Donc, balèze. Pour la justice. Et il s'étale au sol. Et tu voilà. Il y a un corps devant toi. Et dis-moi maintenant ce que tu fais. Du coup, est-ce que j'estime qu'il est mort ou pas? Tu regardes. Tu penses qu'il n'est pas mort, mais que s'il n'a pas des soins très rapidement, ça peut empirer, parce que là on est sur le cas de traumatisme et de ce genre de choses. Bon, je regarde vite fait autour de moi. Il n'y a personne dans la ruelle, hein. À vrai dire, t'entends au loin des bruits de... Je vais faire quelque chose d'horrible, mais je vais le finir. Très bien. Tu le finis, tu le tabasses encore et encore. Vraiment, ta batte vient déformer totalement son visage. Et... Ah, allez, vas-y. J'avais pas prévu de faire ça, mais fais-moi, s'il te plaît, un petit test de traumatologie. Huit. C'est bien. Eh bien... Alors que t'es en train de le frapper, bah son corps bouge hein, évidemment sous l'impact de tes coups. Et un petit objet de métal tombe de sa poche. Je le ramasse. Tu le ramasses. Et c'est une... Oui, je pense que c'est connu dans l'univers. Bon, on va appeler ça comme ça. C'est littéralement une fleur de lys, mais en métal. Je peux mettre une image de fleur de lys si tu ne vois pas ce que c'est. Oh non, si, je vois très bien. Je la ramasse et je la garde avec moi. Ok. Alors après, question. Dans l'environnement où on est, est-ce que les crimes est loin ou pas du quartier? Bah non, hein, on est au quartier des usines, forcément c'est assez proche hein, vraiment de l'extérieur de la ville, et c'est pas si loin que ça. Le seul problème que t'aurais, c'est qu'il faut, si tu veux y aller pour transporter par exemple le corps, bah il faudrait le transporter, il y a des gens, mais à part ça, c'est pas loin. Ouais, donc en gros, de là où je me trouve jusqu'au moment où c'est, enfin, si je prends le corps, je mets combien de temps? Genre c'est à 5 minutes, à 10 minutes, à un quart d'heure d'ici. En vrai, non, pas un quart d'heure, mais oui, entre 5 et 10 minutes, le temps de traverser tout le quartier. Surtout oui. Si tu fais des détours pour ne pas croiser les gens. Parce que si tu fais une ligne droite, en vrai, tu y es dans moins de 5 minutes. Ouais, mais bon, si on croise avec lui, ça va faire tâche. Oui. Sinon, je vais essayer de le planquer dans un coin, ou s'il y a une maison qui brûle, je vais le mettre dans le feu. Alors, les maisons ne brûlent pas, il n'y en a qu'une pour l'instant qui brûle. Merde! Je ne le sais pas encore, mais ton ami, il dort. Non, bah je vais le balancer dans un coin. Ouais, tu le balances dans un coin. De toute façon, il y a des émeutes. Tu sais que pour le coup, il y a plein de façons de justifier qui ne te emmerdera pas tant que ça. Ouais. Bah du coup, je reviens, je le balance et puis je reviens courant là où il y a tout ce qui se passe. Alors après, je sais pas si je te laisse terminer avec les autres, si je parlerai un peu de ce qui se passe derrière. Voilà. Que Korninov me fasse un jet immédiatement. Mon chemin. Un jet d'Athéna. De traumatologie, parce que j'aime bien les trucs comme ça. 6. Voilà. Je reste en vie. Merci, Korninov. Esther ? Tu avances dans les égouts. Oui, c'est bien ça, tu avances dans les égouts. Et au bout d'un moment, tu rejoins une intersection. Par intersection, j'entends, bah, c'est là où il y a une petite plateforme pour pouvoir ressortir. Et il n'y a certes personne qui t'attend, contrairement à ce que tu aurais pu t'attendre en vue des bruits de pas, etc. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a deux choses qui t'attendent en bas de ces deux démarches qui permettent de sortir des égouts. La première chose, c'est Korninov, évanoui, sans aucune connaissance. La deuxième, c'est une petite boîte faite de métal avec une plaque de cire dessus. Non, je te laisse me dire d'abord vers lequel va ta priorité. Proche de Korninov et je vais voir comment est-ce qu'il va. T'as raison, le joueur t'écoute, ça pourrait poser des problèmes. Alors honnêtement, tu vas au contact de Korninov, tu vois qu'il a des traces de... Enfin, il a la peau noircie par sûrement la fumée, etc. Et il respire, il est juste inconscient pour le moment, mais son état n'a pas l'air non plus si stable que ça. Est-ce que je peux faire un petit jet pour essayer de tu sais, des gestes de premier secours, on va dire, plus ou moins Tout à fait. Tu vas me faire un test, on fait que ça ce soir, mais pour le coup, c'est de la traumatologie, donc... Je sais où investir mes points d'XP. J'ai fait... De quoi, points d'XP? J'ai dit, je sais où je pourrais investir mes points d'XP. Ok. Et après, je jetterai un petit coup d'œil à la plaque. Ouais. Ça m'intrigue. Très bien. Il y a... Pour Korninov, déjà, tes premiers soins vont pas pouvoir, de toute façon, le résultat, tu sais qu'il va avoir besoin d'être traité de manière un peu plus sérieuse. Mais, en tout cas, ouais, tu permets de le gérer et tu le sais, tu fais les gestes suffisants pour que son état ne s'aggrave pas, ce qui est le plus important, finalement. Dans la boîte, tu regardes du coup la plaque de cire qui est tout dessus, hein, parce que c'est la première chose qui vient dessus. Et il y a écrit une phrase. Et il y a dessiné un logo. La phrase, c'est « Voici vos preuves, hein, ». Et le logo... Enfin, le logo... Le dessin... Excusez-moi, je n'ai pas les meilleurs mots qui me viennent. Excusez-moi. Le dessin, c'est évidemment un dessin que tu reconnais très très bien, puisque c'est celui qui accompagnait le corps fraîchement retrouvé de la victime d'Il Procédit. Mais... Exactement. Donc je suis en train de rechercher parce que. Voilà. Bon, bref. Tu peux ouvrir la boîte si tu veux. Le faire. Okay. Tu ouvres la boîte et dedans en fait tu trouves plusieurs tubes à essai qui contiennent des marques de produit qui s'est évaporé et qui aurait un peu rongé le verre, sans que ce soit non plus quelque chose de trop agressif, comme par exemple les crimes qui auraient rongé le verre de manière très très rapide. Voilà, tu vois que c'est quelque chose, voilà, des produits avec plusieurs... avec plusieurs... Non, je fais pas ça. Avec des... je pense à peu près savoir ce que c'est. Enfin, ça me paraît assez fou, mais évidemment, il y a un truc qui me vient en tête actuellement, et si c'est ça, je referme la boîte. Genre... Tu refermes la boîte. Tu as Cornilove à tes pieds. Au-dessus de toi, il y a cette bouche de... C'était toi ? Elle pleut aussi les mêmes toits. Dis-moi ce que tu fais. Je vais essayer de prendre Cornilove par-dessus mon épaule. Et il y a rien d'autre de marqué en fait. Je vais quand même gueuler pour la forme un petit montre-toi. Ok. Tu gueules un petit montre-toi. Et fais-moi un petit test de représentation, voir comment ça ça résonne. 10 plus 2, 12. Eh bien, au moment où tu dis montre-toi, comme peut-être une petite réponse, une petite provocation, tu entends des bruits de pas au loin résonner. Et de ce que tu sais, ils sont assez loin pour que la personne s'est redéplacée et pas juste qu'elle est maintenue à distance. Ok. En fait, il y a un truc qui m'étonne, c'est que du coup, on est d'accord. Pour moi, Cornilove, j'ai aucune idée de ce qu'il faut là. Pour moi, il a pas serré. Oui. En fait, je pense que plutôt que de ressortir de là où je viens, moi, je vais suivre les bruits de pas. Je pense pas un seul instant pouvoir l'atteindre. Parce que la personne, déjà, je pense que Cornilove, en plus de base, je suis pas sûr de pouvoir l'atteindre à l'avance, quoi. Et je connais pas du tout les égouts. Mm-hmm. Mais du coup, en fait, dans ma tête, c'est qu'il doit y avoir une sortie de l'autre côté, au moins. Je pense pas qu'elle soit rentrée du coup. Et évidemment, je prends la boîte avec moi. Ça va de soi. Évidemment, du coup, pour faire plus de place, je vais de ranger mon arme à feu et mon sabre. Je peux pas avoir et la boîte et le sabre. Oui. Tu te mets à courir, Cornilove sur l'épaule, la boîte sous le bras. Et la boîte, je la tiens très minutieusement, d'accord ? Oui, très minutieusement, effectivement. Très bien. Tu te mets à courir, et effectivement, ton intuition est très très bonne, puisqu'il y a effectivement une sortie dans cette direction-là, que tu vas finir par trouver. Précise aussi, si jamais Cornilove est armé, il a peut-être plus de munitions que moi, je jette juste un coup d'œil, où est-ce que je pourrais m'équiper, on sait jamais si on tombe dessus. Sur un truc de piano. Effectivement, et si tu regardes, par contre, Cornilove a une balle, lui aussi. Une balle et une poudre. Il faut dire que, bon, encore une fois, vous n'êtes pas attitré normalement dans la section la plus militarisée de Venise, donc vous avez pas demandé d'avoir plus de munitions que ça sur vous. Du coup, tu avances, effectivement, comme je disais, ton intuition est bonne, puisque effectivement, il y a une sortie. Effectivement, malheureusement, tu ne peux pas retrouver les fameux bruits de poids au loin. Et tu arrives à sortir, et sur ta route, tu tombes sur... tu vois que au loin, et de ce que tu devines, être au niveau en fait de l'endroit où tu as trouvé Cornilove, etc., une énorme bâtisse enflammée qui est en train de plus ou moins s'effondrer sur elle-même, et tu es très heureuse de ne pas avoir ouvert la bouche d'égout pour essayer de sortir à cet endroit-là. Parce que ça aurait été... un peu plus problématique, donc ton intuition est pas bonne, elle est très très bonne. Maintenant, tu as Cornilove sur le bras, cette boîte sous l'épaule, tu es dans la rue, tu entends des gens gronder au loin. Qu'est-ce que tu fais ? Enfin, au loin, pas si loin que ça, quelques rues de toi. J'essaie de traîner Cornilove au niveau de la... frontière, alors pas celle où il y a toute la foule et tous les gens qui gueulent, mais un endroit où il y a au moins plusieurs métropolites qui gardent. Je pense qu'avec la boîte, je pourrais peut-être tenter de passer là. Je veux dire, soit j'ai la connerie qui est en train de se répandre, soit j'ai le vaccin, quoi. Donc, je pense que je vais pouvoir au moins réussir à passer avec ça. Ou au moins leur donner la boîte. Bon, bref, je tente, on va regarder. Tu as raison. Juste pour savoir, Victor, comment est-ce que tu fais maintenant que tu viens de... Tu es un homme. Je reviens en courant. Ouais. J'arrive au niveau, alors vu que j'ai analysé tout le monde, je reviens au niveau des chefs, mais des subalternes, hein, au-dessus. Ah ouais. Et si le chef, il est parti gérer un truc, il m'a demandé de vous dire de maintenir la position, mais plus de violence. Plus de violence. On se maintient les positions, on arrête les violences, et on essaie de contenir la foule sans en arriver à là. Il faut calmer la situation. Okay. Fais-moi un jeu de représentation, voir s'ils se posent des questions quand même sur ton discours aux antipodes de ce qu'ils ont entendu de leur chef précédemment. Alors c'est quoi maraude Non, représentation. Là j'essaie de voir si tu arrives à jouer un peu le truc, à jouer la comédie. 11 ouais, dis-moi. Mais très bien. Je me surprends moi-même. Alors maintenant je peux tout faire, j'ai tué quelqu'un. C'était ce qui te manquait dans ta vie visiblement. Voilà. Et du coup, tu vois que tu leur dis ça, ils ont un moment de recul un peu de « Mais attends, ils viennent nous dire plus de violence là ?» ou... Puis bon, ok, on fait ça, on garde juste la position de défense du coup. C'est ça. Il faut stopper les violences, il faut qu'on se concentre et arrêter de faire n'importe quoi, il faut calmer les gens. Très bien. On fait ça. Et tu vois que du coup, ils reprennent formation un peu plus différente, plus défensif, un peu moins situé sur l'opposition directe. Esther, du coup, Kornilov sur le bras, la boîte tenue délicatement dans tes mains. Tu arrives à une de ces frontières gardées par deux métropolites. Et dis-moi tout. Je commence par me présenter. Je retire le manteau et pour qu'ils voient du coup mon uniforme en dessous. Et je fais agent Nestor. Nestor. En fonction. L'homme qui est avec moi ici est blessé. Il faut appelez-moi votre chef immédiatement. Il faut que je lui parle. C'est de la plus haute importance. Notre chef, il est sur le front, sur la place. Supérieur, le plus haut placé directement avec qui vous pouvez avoir affaire. Il faut que je le voie à tout prix. C'est extrêmement urgent. Bah écoutez, je ne sais pas. Vous n'allez pas me laisser passer. Bah, c'est-à-dire que normalement, les ordres sont non. Mais qu'est-ce que. Enfin, vous êtes. Attribué sur place, qu'est-ce qui se passe On nous a demandé d'aller mater quelques hommes mon ami ici s'est pris un violent coup sur la tête. Il faut que j'aille le soigner immédiatement. Et la boîte que vous avez là? On a réussi à la récupérer sur place. Je pense qu'elle pourrait être, ça pourrait être une pièce à conviction extrêmement importante. Il faut que je la donne à un supérieur hiérarchique immédiatement. Une pièce à conviction pour une épidémie? Qu'est-ce que vous racontez? Oui, je pense qu'on n'est pas face à une épidémie de type... on va dire accidentel, mais bien face à un attentat. Mais j'en sais pas plus, il faut que... Si ce que vous dites est vrai, c'est extrêmement grave. Suivez-moi. Et tu vois, ces mots, la femme se retourne, bien que j'ai fait une voix absolument féminine grâce à ma maladie. Faire mieux. Elle se retourne et te bleu a pris de la suivre la plus rapidement possible et vous partez. Et je dis à un premier clopin qui vient, « Eh, toi, aide-moi à le porter. » Ok, bah, et c'est vrai que ça te fait du bien parce que malgré tout, entre ton bras métallique et son bras humain, et ça te fait du bien de pouvoir soulager l'un ou l'autre. Ouais. Ça, c'est l'autre côté. Après, ça se trouve, nos intuitions par rapport aux fioles, elles sont débiles. Hein, Tu es mené à l'arrière en fait, de cette place, donc en fait, vous contournez pour retourner un peu dans le quartier et retourner à l'arrière de la place. Et tout simplement, la personne qui vous rapproche commence à arriver. Et toi, Victor, t'entends une voix derrière toi qui fait « Ouais, passez, Baroni !» Il est parti gérer un conflit un peu plus sur le côté. Je leur vois à l'opposé de là où j'étais. Hein. Là, par là-bas. On vient de par là-bas. Vous êtes sûr qu'il est là-bas? On a vraiment besoin d'aide. Oui. Il est parti là-bas. On a blessé peut-être une preuve d'attentat. Mais je sais pas, il m'a dit qu'il avait quelque chose d'urgent à voir par là et qu'il avait des doutes sur un truc bizarre. Il a pas voulu me dire quoi. Où est votre supérieur direct? Bah du coup j'appelle le gars, il est là. Ok. Très bien, il le met, tu le mènes vers cet homme et tu vois qu'ils s'échangent, ils discutent pas forcément très discrètement. Et les deux partent en courant en direction du coup de l'arrière-ruelle. Hein. Sur lequel en fait tu aperçois, parce que bah, c'est pas forcément masqué, tu aperçois Esther en train de discuter avec bah, Métropolis, enfin discuter. Tu doutes bien qu'ils n'utilisent pas de l'appui du bouton. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est en conversation. Dans la version que je leur raconte, je leur dis pas oui. Que j'ai trouvé le corps de Kornilov juste à côté de la boîte. Évidemment. Parce que me vient à l'idée quelque chose assez. Violent, mais j'ai aucune idée de le point, mais je me dis si jamais elle, Procedimento, voulait nous passer un message. Que si jamais il y a vraiment une histoire de maladie à l'intérieur des fioles, ça se trouve c'est le vaccin, moi j'en sais rien. Ça se trouve les deux, bref, ça n'a aucune idée. Est-ce qu'il aurait pas pu justement contaminer Kornilov dans un but ou un autre? Et j'avoue que en fait j'ai pas envie que les gens l'exécutent dans le but. Donc je dis simplement que j'ai trouvé Kornilov sur le chemin des fioles. Les gens posent pas plus de questions que ça, je veux dire après tout, tu as donné une version assez semblable. C'est probable. D'une confrontation qui a mal tourné, et vu qu'il y a que des confrontations, personne se dit ah bon, et pourquoi il serait battu quoi. Donc les gens se posent pas plus de questions que ça. Oui. Peut-être un manque de gros impact visuel, hein, ça saigne pas ni rien, mais bon. C'est la panique. Je sais pas qui oui. S'évanouit. Ah oui, tout à fait. Mais je dis juste que par rapport à ta version, tu vois, ils sont surpris qu'il n'y a pas un énorme impact qui saigne, mais. Tu vois, c'est la panique, il faut aider quelqu'un, ils y vont, tu vois, ils sont pas... Et toi, tu es mené justement à ce chef sur lequel tu vas pouvoir, du coup, donner ta théorie sur les attentats, etc. Et je vais terminer la session sur le fait que... Esther et Cordelia, vous serez menés en sécurité. Toi, en fait, Esther, tu vas être menée avec cet homme gradé pour discuter de ta trouvaille. Et vous allez tout simplement être isolé et retourner dans des coins un peu plus sécurisés de la ville qui ne sont pas en pleine panique. Toi, Victor, tu es resté sur place. On t'a demandé bah, tout simplement de continuer à triber. Et il semblerait qu'entre Kaino et la suppression involontaire de ton chef actuel, il semblerait que tu aies réussi à faire baisser la tension. Parce que malgré le fait qu'il y a eu quand même des pavés qui ont volé, la charge qui semblait se préparer entre les deux camps n'a finalement jamais eu lieu. Et ce qui vous a surtout libéré, c'est l'intervention, 2-3 heures plus tard, d'une flopée de médecins, scientifiques, etc., qui sont rentrés en ville. Toi, bien soulagé de ne pas avoir débarqué un homme hurlant de tuer tout ce qui vit dans ce quartier, comme ça se fait en cas d'épidémie grave. Et il semblerait que... Si la théorie de l'attentat est valide, le quartier finalement ne risquait pas grand-chose grâce au blocus fait par des médecins solidaires qui étaient déjà présents sur le lieu. Kornilov, tu seras réveillé quelques heures plus tard, quelques temps passés. Tu auras quelques petits soucis pendant quelques temps. Au niveau de ton athlétisme à partir d'aujourd'hui, enfin, pendant quelques temps, pas de manière définitive, quoi, le temps que tu te remets de tes émotions et de toute cette fumée que tu as inspirée. Tu ne sens pas être particulièrement malade, en tout cas, personne n'a rien détecté pendant ton tour médical. Et c'est là-dessus, une fois que tous trois, d'ailleurs, vous serez réunis avec du coup face à vous un métropolite terrorisé de votre trouvaille dans laquelle tout porte à croire qu'effectivement il ne s'agissait pas d'une simple épidémie mais d'un attentat terroriste.